vendons soumis aux enchères. Mais la vente se fait à l'aveugle. Qui remportera le gros lot? Storage Wars, adjugé vendu, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction. Canal 24. L'heure de la météo sur RMC. La météo, c'est avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, les nuages vont dominer du nord Pas-de-Calais en passant par la Normandie et la Bretagne. Nuages pouvant apporter quelques averses en cours de journée le long des côtes de la Manche. Des averses que l'on va retrouver aussi dans l'est du pays, entre la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. En cours de journée, ces ondées pourraient même toucher la Côte d'Azur et la Corse. Sur les Alpes, quelques flocons de neige sont tout de même attendus, à partir de 1600-1800 mètres d'altitude. Ailleurs, sur la moitié nord, les nuages et brouillards de la matinée vont disparaître pour laisser place à de belles éclaircies en cours de journée. Sur la moitié sud, le soleil va briller encore aujourd'hui. Attention, autour de la Méditerranée, Mistral et Tramontane sont toujours présents avec des rafales attendues à 70 km/h. Les températures restent fraîches. Encore ce matin, il fait entre 3 et 7 degrés. Pensez à bien vous couvrir. Cet après-midi, on attend de 13 à 23 degrés. Il fera 13 degrés à Strasbourg, 14 degrés à Lille, 15 à Brest et Lyon, 16 degrés à Paris, 20 degrés à Marseille et 23 degrés pour la maximale attendue à Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah Atlantique quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec dans une heure, Formule 1, départ du Grand Prix du Japon. 16h15, rugby top 14, le choc, Clermont-Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Deux policiers grièvement brûlés, deux autres plus légèrement, attaquent en règle de deux voitures de police en Essonne hier. En jeu, le contrôle d'un carrefour, du trafic. Quel sera le comportement de Donald Trump ce soir face aux Américains? Deuxième débat présidentiel aux États-Unis. Le candidat républicain en grande difficulté après ses propos machistes, vulgaires envers les femmes. Et puis le sport, c'est ce matin sur RMC. Dans une heure, le départ du Grand Prix de Formule 1 du Japon. Nous serons sur place pour prendre la température. 6h sur RMC. Bonjour à tous. La peur a changé de côté, disent les policiers, à tel point qu'à Viry-Châtillon, hier, rien n'aurait pu arrêter les assaillants. À coup de cocktail Molotov, ils ont brûlé deux voitures de force de l'ordre. Attaque inqualifiable, a réagi François Hollande. Deux des policiers sont ce matin très grièvement brûlés. Violence sans limite, c'est ras-le-bol des habitants sur place, Romain Cluzel. Le drame s'est déroulé sur un carrefour très fréquenté qui sépare la cité de la Grande Bande d'un quartier résidentiel. Ici, le trafic de drogue et les vols sont très réguliers. Une caméra de surveillance avait été installée l'année dernière, explique Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon. Depuis maintenant 15 jours, on a eu deux attaques successives. Une première fois où la caméra a été endommagée, une deuxième fois où on l'a réparée. Depuis, des policiers surveillaient cette caméra. La violence de l'attaque a particulièrement choqué le maire. Le plus important, c'est d'abord de s'inquiéter de la santé des quatre policiers qui ont été atteints. C'est juste un traumatisme pour moi, bien sûr, mais bon, pour moi, c'est pas très grave, pour les habitants aussi. Parmi ces habitants, Antoine, cela fait 20 ans qu'il habite Viry-Châtillon. C'est inadmissible. Ils ont été agressés, les policiers. On peut plus rentrer à Grigny, parce que les gens, ils ont peur. Le sentiment de ras-le-bol touche aussi les policiers. Claude Carillo du syndicat de police Alliance. Aujourd'hui, on est dans un département sinistré, que ce soit sur le matériel et pour les effectifs. Voilà, la preuve, on a des individus qui n'ont plus peur de rien. Le syndicat réclame 300 effectifs supplémentaires dans le département de l'Essonne. Le reportage à Viry-Châtillon de Romain Cluzel. À Nantes, violence sordide également, mais sans explication pour le moment. Romain Barré, 38 ans, était porté disparu depuis 10 jours. Hier, 5 suspects étaient entendus. Ils auraient avoué avoir étranglé l'agent immobilier, puis avoir jeté son corps dans la Loire. Aucune piste pour le moment pour comprendre le geste. Une fois encore, la communauté internationale incapable de s'entendre. Il s'agissait pourtant de sauver une ville, Alep, et sa population syrienne qui vit un cauchemar depuis des mois. Le Conseil de sécurité de l'ONU était censé trouver un accord de cessez-le-feu hier. Impossible. Russes et occidentaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Plus de 80 millions d'Américains devant leur écran ce soir. Deuxième débat de la présidentielle américaine. Face à face, Trump, Clinton. Quelle sera la teneur des propos aussi sordides que les dernières polémiques sur les relations sexuelles de Donald Trump? Les deux candidats répondront ce soir. En attendant, le candidat républicain est dans la tourmente. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, son colistier a même dénoncé ses propos sexistes, machistes. Et puis Hollywood s'en mêle, et pas n'importe qui. Robert De Niro a quelque peu élevé la voix. Il est tellement stupide. C'est un minable, un chien, un porc, un escroc, un clown qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fout de tout, qui ne paye pas ses impôts. Il est une honte pour ce pays. Ça me met tellement en colère qu'on en soit arrivé au point de mettre cet idiot, ce crétin, là où il est aujourd'hui. Il dit qu'il aime bien donner des coups de poing aux gens. Eh bien moi, j'aimerais bien lui mettre mon poing dans la figure. Punch him in the face. Voilà la vie tranchée de Robert De Niro au sujet de Donald Trump. L'évacuation est prévue pour l'automne, mais hors de question de désarmer. Démonstration de force des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans Loire-Atlantique hier. Au moins 12 000 personnes venues manifester contre le projet. Anaïs Denet, c'est une certitude, ils ne quitteront pas les lieux facilement. Dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes, tous sont prêts à se défendre et ils sont aujourd'hui très organisés. Un habitant de la ZAD accepte de nous en parler. On sait se battre ensemble, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, la pratique, par exemple, du sabotage, de la résistance plus passive à celle qui emploie des cocktails Molotov et des choses comme ça, toutes ces formes-là sont totalement acceptées, tant que c'est sur des policiers. Les zadistes se sentent aujourd'hui préparés à la possibilité d'une intervention policière. Camille vit sur la zone à défendre. Nous, on est absolument sereins. On se prépare, c'est pas nous qui sommes dans la fébrilité, dans la panique, c'est le gouvernement qui sait pas quoi faire. Un autre habitant de la ZAD nous explique pourquoi il se sent aujourd'hui en position de force. Et dès qu'on fera signe aux gens de revenir, on sait qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir ici sur le terrain, dès le premier jour d'une tentative d'expulsion, et ça se mobilisera partout, partout en France. La ZAD sera évacuée à l'automne, c'est ce qu'a promis le Premier ministre en juin dernier. Nous sommes là ! Le reportage à Notre-Dame-des-Landes d'Anaïs Denet. Et puis ça peut paraître effrayant, mais ça existe vraiment. Si vous êtes parent d'un adolescent, essentiellement, vous pouvez faire appel au service d'un ancien policier du RAID. Oui, faire appel à un négociateur pour résoudre certaines crises. C'était en tout cas un atelier qui était proposé ce week-end au salon de l'étudiant spécial parent. Et le négociateur, il s'appelle Laurent Combalbert. Quelles que soient les situations de négociation, que ce soit avec un forcené, avec un client, avec un partenaire et avec un enfant, on a les mêmes méthodes, les mêmes approches. On les amène à réfléchir à la négociation en les sortant de leur vision parent-adolescent. Le danger avec nos enfants, c'est qu'on est souvent sympathique et pas empathique. C'est-à-dire qu'on partage leurs émotions et donc on perd notre objectivité. Quel est l'enjeu qui se cache derrière la position, par exemple le refus de l'adolescent? Pourquoi est-ce qu'il refuse? Et c'est souvent cette question-là qu'on oublie de se poser. On va contre-argumenter, on va s'opposer à sa position, alors qu'on devrait comprendre quel est l'enjeu. Tout ça fait partie de la même logique de la création de la relation et de la négociation. Donc voilà, en espérant que si vous êtes parent, vous n'aurez pas à faire appel au RAID pour négocier avec votre ado. Laurent Combalbert était au micro de Pauline Baduel, 6h05 sur RMC. Le direct ce matin, c'est la Formule 1 Grand Prix de Suzuka au Japon. Départ dans une heure sur RMC, le Grand Prix en intégralité. Louis Amar, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC Sport sur place. Louis, il reste 5 Grands Prix cette saison. Et si les écuries ont leur pilote pour l'an prochain, ce n'est pas vraiment le cas chez Renault. Oui, c'est une situation, Thomas, largement imputable à une absence de direction claire. En théorie, c'est simple, ils sont trois. Fred Vasseur pour le sportif, Cyril Abitbol pour la technique à Enstone en Angleterre et Jérôme Stoll pour l'administratif. Mais dans les faits, ce triumvirat ne fonctionne pas et les tensions s'accumulent. Meilleur exemple, le choix des pilotes pour 2017. Ainsi, le Mexicain Sergio Pérez était-il ciblé depuis longtemps? Les discussions étaient même très avancées. Vasseur en avait fait une priorité, mais faute de certitude et de propositions formelles, il a préféré rester chez Force India. Les atermoiements se poursuivent. Renault temporise avec Kevin Magnussen et doit décider de le garder ou de le remercier avant le 14 octobre, après avoir déjà repoussé la date butoir plusieurs fois. Idem pour le jeune français Esteban Ocon. L'écurie a une option sur lui. Il suffirait de la lever pour l'engager à coup sûr. À nouveau, c'est le souhait de Vasseur. À nouveau, la décision n'est pas encore prise. Et ce dernier, lassé de n'avoir pas les mains libres, en est même à s'interroger sur son avenir au sein de l'équipe. Les précisions de Louis Amar en direct de Suzuka au Japon pour RMC. Rendez-vous demain soir pour les Bleus du foot, campagne de qualification pour le Mondial 2018, ce sera face aux Pays-Bas, avec titulaire ou pas le nouveau héros français qui s'appelle Kevin Gamero, Georges Quirino. Il n'avait plus marqué ni été titulaire en bleu depuis 5 ans. Kevin Gamero avait disparu des radars de l'équipe de France, dont il était réserviste pour le dernier Euro. Et puis vendredi soir, résurrection avec ce doublé face à la Bulgarie. Une revanche pour l'attaquant de 29 ans. C'est une petite revanche sur ce qui a pu se passer, ce qui a pu se dire sur moi. J'ai pu entendre que j'avais pas le niveau international. Durant ces 3-4 dernières années, on m'avait peut-être un peu oublié aussi. Barré par Ibrahimovic à Paris, le Français était parti s'exiler avec succès à Séville avant de rejoindre Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid cet été. Pourquoi pourrait-il s'imposer en bleu cette fois-ci? J'ai beaucoup plus d'expérience et là je pense que je suis dans mes meilleures années et je vais continuer comme ça. Son ancien entraîneur en Andalousie, Unai Emery, aujourd'hui coach du PSG, l'a félicité par texto avant-hier. Reste à convaincre Didier Deschamps sur la durée en équipe de France. Le reportage de Georges Quirino, le top 14 de rugby, 8e journée, malgré la polémique corticoïde, le Racing a réussi à s'imposer hier, victoire 29-22 face au Stade Français, succès dans une ambiance un peu lourde et qui fait beaucoup de bien au coach Laurent Labitte. On ne peut pas être indifférent à ce genre de choses parce que ce sont des choses graves quand ça touche les personnes et l'image et l'honneur et les carrières des personnes déjà, ça devient grave. Donc aujourd'hui, il y a une procédure. Comment laisser à son terme, aller à son terme, bien sûr, mais par contre, après, vous doutez bien qu'il va y avoir de la bataille, bien sûr, menée contre tous ceux qui se sont un petit peu lâchés. Et je ne peux pas dire que je suis plus affecté qu'eux, mais j'ai passé franchement deux jours très, très difficiles parce que ce sont des joueurs justement qui sont des exemples et font partie des joueurs, en tout cas, et des hommes les plus brillants que dans ma courte et jeune carrière, j'ai eu le plaisir d'entraîner. Et hier, Montpellier a battu Castres 28-19, 27-25 pour Bordeaux-Bègles face à Brive, Grenoble bat Bayonne 44-16, match nul 17 partout entre La Rochelle et Clermont. Aujourd'hui le choc entre La Rochelle et Toulon. Aujourd'hui le choc, c'est justement Clermont qui reçoit Toulouse. 6h09 sur RMC, on termine avec les courses. Le Quintet Secours à Auteuil cet après-midi. Les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Darras vous propose le 4 Vicky de Reponnet, le 7 Stellonomy, Brahim Asloum jouera le 5 Brise de Mer et Laurent Guédard jouera le 11 Briaré et le 10 Vapalo, le 4, le 7, le 5, le 11 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, c'est le week-end des experts et en ce 9 octobre 2016, on est ravis de vous retrouver pour un week-end des experts animaux légèrement plus court que d'habitude. Et oui, puisque tout à l'heure, aux alentours des 7h10, on retrouvera le Grand Prix du Japon qui va aussi impacter notre rendez-vous auto avec un spécial mondial de l'auto, mais ce sera aux alentours des 8h qu'on se retrouvera avec Jean-Luc Moreau. Merci d'être avec nous en tout cas et bienvenue. Et à mes côtés donc, comme chaque dimanche, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Oui, bonjour, bonjour François, bonjour à tous. Je suis venue aussi avec mes chevaux. Hein, oui, pour ce spécial Grand Prix du Japon. Mais vous venez avec des vrais chevaux et des sabots, alors que là-bas, c'est plutôt des chevaux vapeur. Oui, oui, allez. Je préfère moi, oui, mais c'est, bon. C'est sûr. C'est plus nature. Ils font pas le même bruit aussi. Non, mais c'est mieux, c'est plus zen que la voiture en fin de compte. Toute la Dream Team F1 RMC sera là donc dans un petit peu plus de trois quarts d'heure pour vous faire vivre ce Grand Prix du Japon. Mais d'ici là, on va vous proposer une espèce de libre antenne dédiée à ce rendez-vous animaux avec toutes vos questions dès maintenant que vous pouvez nous poser au 3216 ou animaux@rmc.fr. Laetitia, on y va ? On y va. Et on attaque avec Gérald qui est avec nous. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour oui, Gérald. Bonjour. Bienvenue. Oui. Bienvenue. Merci. Et on vous écoute, allez-y. Oui, voilà. J'ai un. Merci de prendre mon appel déjà. Merci. C'est gentil. Oui. J'ai un chat qui a 11 ans, un mâle. Oui. J'ai été opéré dès que je l'ai eu. Et puis là, depuis le mois de janvier, enfin il a commencé au mois de janvier, j'ai cru qu'il me faisait un drôle de comportement, j'ai cru qu'il s'était enrubané dans un câble de électrique. Et oui, puis, pourquoi? Et puis, je voyais qu'il, je l'ai libéré, et puis je voyais qu'il restait sur place, et puis qu'il avait des convulsions. Il avait des pattes arrière qui donnaient des coups, les pattes avant, il bougeait, il ronchonnait, il m'a fait ça pendant, je sais pas, moi, 1 minute 30. Oui. Et puis, avant de rester sur place, de se calmer, de rester dans une drôle de position, mais, et puis il avait la langue qui pendait sur le côté, il respirait. C'était une crise d'épilepsie. Et bien sûr, oui. D'après ce que vous, voilà, oui. Exactement ce à quoi j'ai pensé, et puis j'ai appelé ma sœur qui a des chats aussi, parce que j'en ai trois. Oui. Et puis, elle m'a dit, oh, bah, il te fait de l'épilepsie. Alors, c'était votre question, justement, Gérald. Comment gérer ce genre de crise lorsque votre chat en est victime? Voilà, alors, oui. Alors, parce que vous avez été voir le vétérinaire, quand même. Oui, j'ai essayé d'aller le voir. Le problème, c'est que je suis handicapé. Ah. Et malheureusement, j'ai essayé de le prendre, mais il m'a tellement griffé de partout que j'ai pas pu le mettre dans la boîte. La seule solution, c'est maintenant, j'ai compris, c'est de le prendre dans un, même si c'est un drôle de moment, mais de l'en pacter de vite fait dans une petite couverture. Oui. Et puis, une serviette éponge. Voilà, exactement, mais une grande. Là, j'en avais pris une trop petite. Et oui. Bah, c'est alors, sûr. Et puis maintenant, il n'a plus confiance en moi. Enfin, quand il est dans le bruit de la boîte ou que je vais même dans la pièce où il se trouve la boîte de transport, il sort, il se sauve. De toute façon, alors, vous pouvez attendre entre les crises. Juste, je voudrais savoir quand même, Gérard, est-ce qu'il a refait une crise depuis ce mois de janvier? Est-ce qu'il en a refait? Oui, c'est Gérald, hein. D'accord. Gérald, pardon. Pas grave, ouais. Non, et alors au début, il m'en faisait une, Ah, il m'en a fait une toutes les 15 jours. Oui. Et puis 15 jours sans rien. Et puis une fois, il m'en a fait deux dans la semaine. Et puis après, plus rien pendant un mois. Et puis là, j'ai été me renseigner auprès des voisins sur Internet. Des amis m'ont dit, bon ben, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'épilepsie chez les chats. Ou alors, il y a un médicament expérimental qui vaut très cher. J'ai pas d'assurance pour mes animaux. D'accord. Pas de mutuelle. Et puis, j'ai finalement été voir une pharmacienne en Moselle, là, ici, à Thionville. Et puis, elle m'a conseillé un médicament homéopathique qui s'appelle... Allez-y. Oui, allez-y. Épileptil. Oui. Hein, c'est homéopathique. Qui porte bien oui, son nom. Qui porte bien son nom, ouais. Oui. Comme ça, on s'en souvient quand on va en chercher. Oui. Bon, ah, oui. Alors, attendez. Gérald. Alors, premièrement, quand on a un problème de santé avec son animal, on va pas voir son voisin, qui n'est pas vétérinaire. On va pas voir. Sauf si le voisin est vétérinaire. Sauf si le voisin est vétérinaire. Ah, bon, d'accord. Alors là, voilà. Là, je dis rien. On va pas voir sa pharmacienne. J'adore les pharmaciens, mais en matière d'épilepsie chez le chat, je pense qu'ils sont pas non plus les plus au courant, hein, on va dire. On va voir bien sûr son vétérinaire, parce que alors concernant l'épilepsie du chat, c'est quelque l'épilepsie du chien, on le connaît bien parce que c'est une maladie assez fréquente. Vous savez, ça, c'est une, ce qu'on appelle l'épilepsie essentielle du chien. C'est une maladie qui est assez fréquente, un petit peu comme chez l'homme. On a aussi l'épilepsie essentielle. C'est une maladie où entre les crises, l'animal est complètement normal. Mm-hmm. Quand on fait des analyses de cerveau, etc., tout ça, c'est normal. Sauf que à un moment, le cerveau disjoncte et il donne cette un câble, crise. D'accord, voilà. Ouais. Chez le chat, on a plusieurs raisons possibles oui. pour l'épilepsie. Mmh. C'est pour ça qu'il faut absolument, Gérald, aller voir votre vétérinaire. Parce que si c'était une épilepsie qu'on dit essentielle, qui existe chez le chat, mais qui est très rare, il aurait eu ses crises avant. Il a 11 ans, quand ouais. même. Déclarer une épilepsie qu'on dit essentielle à 11 ans, ça n'existe pas. Tout comme chez l'homme, c'est pas des crises que l'on a. Voilà. Donc il faut absolument, à un moment, demander à votre sœur, par exemple, d'amener le chat entre les crises, même s'il n'a pas fait de crise, chez le vétérinaire pour faire un contrôle. D'abord, un contrôle sanguin. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir, par exemple, un problème de foie, une insuffisance hépatique, hein, ce qu'on appelle l'hépatite. Qui peut provoquer des crises d'épilepsie ? Oui, parce qu'il y a des toxiques oui. dans le sang qui, justement, font que bah, ça intoxique le cerveau et on a ces crises. On peut avoir une hyper- ou une hypoglycémie. C'est-à-dire le sucre qui fait un petit peu voilà les montagnes russes dans le sang. Ça peut donner une crise d'épilepsie. On peut avoir aussi une insuffisance rénale. D'accord. Qui peut donner des crises d'épilepsie. Pourquoi je vous parle d'insuffisance hépatique rénale, etc. Parce qu'il a 11 ans, qu'il est senior. Donc ça veut dire qu'il peut avoir des maladies chroniques comme ça liées à l'âge. Est-ce que ça peut être neurologique aussi, Laetitia ? Et ça peut être neurologique, ça peut être voilà. un problème au niveau du cerveau, c'est-à-dire une inflammation du cerveau, ça peut être un traumatisme au niveau du cerveau, un mm-hmm. problème de circulation aussi du sang au niveau du cerveau. Pourquoi pas une tumeur ? Hein, mmh. Il faut aussi en parler, ça peut être ça. Et puis alors aussi une chose intéressante. Alors là pour ce qui est du cerveau, bien sûr, il faut un IRM, scanner, voilà. Mais d'accord. c'est après les, c'est pas, on fait pas ça tout de suite, on fait après les premiers examens. Et puis il faut savoir qu'il y a un nouveau syndrome chez les chats âgés oui. que l'on a découvert, c'est que on a découvert que certains bruits chez certains chats âgés déclenchaient l'épilepsie. Et alors on a fait une enquête. Mais même à 11 ans. Ça peut arriver à 11 ans ? Oui, justement chez des chats âgés. Tiens. Et on a découvert, et ça a été une enquête qui a été faite aux États-Unis, il y a des chats, par exemple, vous prenez la souris de votre ordinateur, vous faites un clic, et le chat fait une crise d'épilepsie s'il est dans le coin. Vous prenez du papier alu, vous froissez le papier alu, il fait une crise d'épilepsie. Il y a même des chats qui, quand vous claquez... C'est des stimuli auditifs qui déclenchent précis, une crise d'épilepsie. Bien précis, c'est pour fou, chaque ça. Chat, il y a un chat qui, à chaque fois que vous claquez de la langue, fait une crise d'épilepsie. Alors, il semblerait que ça soit lié à certains ultrasons qui stimulent le cerveau et qui donnent ces crises d'épilepsie chez c'est ces incroyable. Chats. Et alors, il y a eu une publication internationale. Moi, j'en ai jamais vu personnellement en France. J'ai demandé à des confrères, ils n'ont pas non plus eu de cas comme ça. Mais on sait de toute façon que les crises d'épilepsie, même chez l'épilepsie qu'on dit essentielle, c'est-à-dire sans lésion du tout du cerveau, oui. peut être déclenchée par certains stimuli qui sont... des fois, on arrive à déterminer ces stimuli, des fois pas. Par exemple, chez le chien, ça peut être une grande joie. Oui, tout ou à ça fait, peut oui. être quelque chose qu'il entend à la télé, puis il peut... partir mais, en crise épileptique. Vous savez, par exemple, même pour les enfants, le jeu vidéo, le changement de couleur, etc., peut créer parfois des crises d'épilepsie. Alors, chez le chien et le chat, ça serait plus des sons, hein, donc certains sons. Et donc, c'est pour ça que quand on a un chien ou un chat épileptique, on demande aux personnes de noter sur un petit carnet le jour, l'heure, les circonstances. Où était le chat? Qu'est-ce qu'il faisait? Ce qu'il y avait autour? Est-ce que la télé était allumée? Est-ce que la radio était allumée? Est-ce qu'il y avait de la lumière, pas de la lumière, etc.? Tous ces indices peuvent nous conduire à dire, bon, il y a certains stimuli qui déclenchent la crise, et donc il faut diminuer ces stimuli. En tout cas, Gérald, allez voir votre vétérinaire, je vous en supplie, demandez à votre sœur d'amener le chat, même s'il n'a pas fait de crise depuis quelques temps. Merci Gérald. Revient dans un instant pour vos questions. Et nous aurons Bernard avec nous au 3216. Il va nous parler d'inséparables. 3216 ou bien sûr animaux@rmc.fr. Hein, le mail est là, vous pouvez à tout moment nous appeler pour poser vos questions. A tout de suite. RMC, vos animaux. RMC, ce week-end, les Formule 1 roulent à Suzuka pour le Grand Prix du Japon. Ce matin, dès 7h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, midi, sur BFM TV, pour BFM Politique. Et je reçois Patrick Buisson. C'est la première fois que l'ancien conseiller de l'ombre s'exprimera en direct, une heure, à la télévision. Qui est-il vraiment? Peut-on le croire? Comment juge-t-il le Sarkozy, version 2017? BFM Politique, tout à l'heure, 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV, avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci d'être avec nous et bon réveil avec RMC, le week-end des experts des animaux, jusqu'à 7h-10 aujourd'hui exceptionnellement, puisqu'à partir de 7h-10, vous retrouverez le Grand Prix du Japon à suivre en direct en intégralité, exclusivement sur RMC. Je reviendrai tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau pour notre dernière heure dédiée à l'automobile. D'ici là, avec Laetitia, vos questions animaux, 3216 ou animaux@rmc.fr, on accueille Bernard, Laetitia. Bonjour Bernard. Bonjour monsieur dame. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Laetitia. Alors vous avez des inséparables. On a un seul qu'on a récupéré parce qu'il y a eu des décès dans une famille. L'âge, on le connaît pas. Enfin, apparemment, il est en pleine forme, mais il a. On ne sait pas. Il a quand même. Il doit être assez, relativement avancé, disons. Hein. Oui, mais c'est des animaux qui vivent longtemps. Alors, mâle ou femelle, comme avait demandé la standardiste. On ne sait pas. La vétérinaire pense qu'elle n'a pas été beaucoup plus loin parce que c'est dit que c'était assez délicat là entre les pattes, là, enfin derrière là. Mais par contre, vu la couleur. Oui. Ça devrait peut-être être un mâle plutôt. D'accord, mais normalement ils ont les mêmes couleurs. Hein. Est-ce que vous avez eu des œufs? Ah non, on n'a jamais eu d'œufs, alors oui. Ça peut, enfin, une femelle toute seule peut, alors c'est pas systématique non plus, mais il arrive qu'elle ait des œufs, voilà. Oui, non fécondés, bien entendu, enfin bref. Mais oui, puisqu'elle est toute seule, elle peut pas. Voilà. Et oui. Alors, votre inséparable qui est séparé de son autre inséparable. Ils étaient deux. Il y a un chat qui a fait tomber la cage. Aïe. Il y en a un qui est mort. Et moi, dès qu'il est arrivé, sachant qu'il ne pouvait pas soi-disant être séparé, j'ai pris dès le premier jour le rôle du deuxième. Et puis maintenant, il est après moi, ceci, cela. Enfin, bon. Bah oui, parce que souvent, alors ces oiseaux-là, comme leur nom l'indique, sont très bien, enfin vivent en couple. Et pour eux, le couple est très important. Cette relation est vraiment. Le plus important dans leur vie, quoi. C'est vraiment des oiseaux qui sont très liés. Et quand vous avez un inséparable qui est séparé de son autre moitié, il faut qu'il trouve une autre moitié. Et c'est là où il peut reporter ce lien sur un homme, un humain. Et dans ces cas-là, c'est un peu gênant. Excusez-moi, je vous coupe la parole. Oui, me gêne un peu, mais enfin bon. Non, mais il vous fera pas grand mal, Bernard. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hein. Non, mais par contre, vous pouvez développer une relation qui est complicité. Parce que c'est des animaux qui, quand ils sont en couple, sont plutôt distants. D'accord. Et quand ils sont justement, quand ils sont tout seuls, ils nouent vraiment une relation très spéciale. Comment ça se manifeste, Laetitia? Ils peuvent venir sur l'épaule, aller becquer dans la bouche, voilà. Ils sont très affectueux, en fin de compte. Ah ben oui, mais on se fait des bisous toute la journée si je lâche pas, hein, parce que oui, on se fait vraiment les becs, le bec et le nez, ça y va. C'est dingue ça. Mais j'espère que vous êtes souvent avec lui dans la journée. Ah bah oui, là je suis en retraite, donc on est là. Alors ma femme qui le nettoie, par contre, qui s'occupe de lui, moi je lui donne quand même à manger aussi, mais il a tendance à la piquer, que moi, même mon doigt, il pique pas. Ah bah c'est peut-être une femelle. Bah j'en sais rien. Vous savez que les perroquets... Non mais attendez, les perroquets reconnaissent... Oui, parce que, par exemple, les gris du Gabon, qui sont les premiers perroquets que l'on a en perroquet de compagnie, Les mâles sont plus liés à madame et les femelles sont plus liées à monsieur. Donc, ils voient la différence des sexes. Ah, voilà. Vous avez peut-être... C'est hormonal, j'imagine, non? Ah oui, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être une femelle. Ah, c'est à ce point-là. Mais Bernard, vous êtes un tombeur. Voilà. Ça, on le sait. Bah oui, elle est amoureuse de vous. Et ben voilà. Même les dragos succombent à vos charmes. Les oiseaux, pardon. C'est beau. Bon, alors c'était quoi votre question, Bernard? Le problème, c'est que tout allait bien. Enfin, là, il est toujours en forme. L'ennui, c'est que ça fait deux fois, deux mois après la première fois, on était obligé de revenir chez le vétérinaire pour couper le bec. Ah, le bec est trop long. Il vient jusqu'au poitrail, hein, c'est dangereux après. Ah oui, il est vraiment trop long. Alors, qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Nous, il a du millet. Il a un bâtonnet, des bâtonnets là de, vous savez, par exemple, là, il aime bien la figue et l'abricot, là, des bâtonnets là. Oui, ça ronge pas. Oui, oui. Il a quoi d'autre? Il a des graines aussi à part. Des fruits, des légumes. Oui, surtout de la pomme, la granit. D'accord. Apparemment, ça lui plaît ça. Vous pouvez lui donner de la verdure aussi que vous prenez dans votre jardin, du pissenlit par exemple. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a pour faire son bec? L'ennui, c'est que il a rien de particulier et ça pousse. On lui je vous dis, ça fait que depuis les courants mai, quoi. D'accord. Avant, il n'y avait jamais rien, ça fait bien 4 ans qu'on l'a, quoi. D'accord. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que, bien sûr, son bec s'use, hein, comme tous les oiseaux. Donc, il faut lui donner des choses pour user son bec, hein, pour limer son bec, si vous voulez. Oui. Et puis, deuxième chose, si c'est quelque chose qui est assez récent, faire attention s'il n'a pas une carence vitaminique ou, certaines carences en vitamines, une des conséquences, c'est que le bec pousse anormalement. Donc, il va falloir lui donner un complément minéral et vitaminé et en oligo-éléments, demandez à votre vétérinaire. Et concernant l'usure du bec, ça concerne vraiment tous les perroquets et les petits oiseaux. Et ce qu'il faut leur donner, c'est tout simplement des branches d'arbres, des branches de saule ou des branches d'arbres fruitiers pour qu'il, vous savez, il va pas forcément manger l'arbre, la branche, mais ça va lui permettre justement de jouer avec, d'enlever l'écorce, etc. et d'user son bec. Ça c'est parce que c'est une activité qui est très importante chez lui, c'est justement de décortiquer tout ce qu'il trouve. Alors vous avez aussi des objets, des jouets pour oiseaux, pour perroquets plutôt, que vous aurez en animalerie, qui seront en bois, en matière qui justement s'use. Et ça il faut vraiment lui donner ses jouets pour qu'il s'amuse avec. Et sinon vous avez aussi, alors certains propriétaires d'inséparables donnent, vous savez, des cajots. Enfin, les lames de cajot, alors sans bien sûr les agrafes, hein, qui sont aussi du bois, hein, et qui permettent à l'animal, il s'éclate à détruire les cajots, vous voyez. C'est un peu son éclate à lui. Voilà. D'accord. Rizou lui a donné, la sèche, là. Oui, l'os de sèche. Faut lui donner ça aussi. Ça aussi, mais ça suffit pas parce qu'à un moment. Il y a du calcium en plus, ça. Oui, c'est très bien parce que il y a beaucoup de compléments dedans, mais c'est pas super dur. Pas sûr, oui, hein, on a l'impression que c'est dur, mais quand il commence à le creuser, ça devient tout mou dedans. Donc, il faut donner des branches d'arbres, des cajots, si vous voulez, d'autres choses. Et puis tout ce qui est bâtonné que vous qu'on vous vend en animalerie, non, ça fait pas trop le bec, ça. Hein. C'est vraiment, c'est des graines, c'est beaucoup de sucre. Bon. Bernard, merci pour votre appel. Merci en tout cas. Laetitia, on va revenir dans un instant. On poursuit avec les questions des auditeurs ce matin jusqu'à 7h10. Et nous aurons Nadia. Nadia qui a adopté un chien chinois à Crète. Laetitia, alors là, franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'un chien nu. Un chien. Ah, d'accord. Ouais. Avec une crête, bien sûr, comme son nom l'indique. Écoutez, avant d'en parler, on va le rhabiller parce que moi, je suis un peu plus, comme lui, peut-être pudique. Hein. Et on se retrouve juste après la météo, les infos de 6h30. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. RMC Basket, le seul show radio 100% basket, c'est Basket Time. Basket Time, Pro A, Pro B, NBA, équipe de France, tout le basket est sur RMC tous les lundis dès 21h avec toute la Dream Team Basket d'RMC. Basket Time, Basket Time, 1h 100% basket, c'est demain 21h-22h sur RMC. Un coup d'œil sur la météo de votre week-end sur RMC avec Jérémy Suliman. Jérémy, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, une nouvelle journée sous le soleil dans le sud et le sud-ouest du pays. Attention par contre, en Méditerranée, le Mistral et la Tramontane restent présents avec des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h. Sur la moitié nord du pays, les nuages et brouillards de la matinée vont disparaître au cours de la journée pour laisser place à de belles éclaircies. Par contre, pas de soleil, mais des nuages pour le nord, Pas-de-Calais, la Normandie ou la Bretagne nord encore aujourd'hui. Des nuages qui pourraient même localement apporter quelques averses en cours de journée le long des côtes de la Manche. Des averses que l'on devrait retrouver aussi dans l'est du pays, entre la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, et plus bas sur la Côte d'Azur et la Corse. À noter que sur les Alpes, ces quelques gouttes pourraient se transformer en flocons de neige dès 1600-1800 mètres d'altitude. Les températures, elles restent très fraîches. Ce matin, il fait entre 3 et 7 degrés. Cet après-midi, on attend de 13 à 23 degrés. Il fera 13 degrés à Strasbourg, 14 degrés à Lille, 15 degrés à Brest et Lyon, 16 à Paris, 20 à Marseille et la maximale pour la Corse à Ajaccio avec 23 degrés. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah, Atlantique, quoi. RMC 6h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 4 policiers brûlés, 2 d'entre eux sont ce matin dans un état grave. Attaque au cocktail Molotov hier en Essonne, à Viry-Châtillon, proche du quartier sensible de la Grande Bonne précisément. Les policiers attaqués parce qu'ils surveillaient un point de passage pour les trafiquants de stupéfiants. À Nantes, violence sordide également mais sans explication pour le moment. Romain Barré, 38 ans, était porté disparu depuis 10 jours. Hier, 5 suspects étaient entendus. Ils auraient avoué avoir étranglé l'agent immobilier puis avoir jeté son corps dans la Loire. La politique et Alain Juppé qui creusent l'écart selon Doxa. Pour France 2, ce matin, au premier tour de la primaire, il obtiendrait 39% des suffrages, quand Nicolas Sarkozy serait à 31%. Aux États-Unis, la campagne présidentielle et Donald Trump qui promet d'aller jusqu'au bout. Scandale ou pas, il ne se retirera pas de la course. Prochain rendez-vous ce soir, deuxième débat télévisé face à Hillary Clinton, le lendemain de la diffusion de vidéos où Donald Trump profère des obscénités au sujet des femmes. Les États-Unis qui réfléchissent à leur coopération avec l'Arabie Saoudite. Il s'agit là du conflit au Yémen. La coalition emmenée par Riyad aurait mené des raids aériens hier soir. Raids qui auraient coûté au moins la vie à 140 personnes dans la capitale yéménite, Sana'a. En Syrie, la ville d'Alep, loin, très loin d'être sauvée. Nouvel échec de la communauté internationale. Hier, Conseil de sécurité de l'ONU pour rien. Aucun texte de cessez-le-feu n'a pu être signé. Le sport, le rugby, 8e journée de top 14 ce week-end sur RMC. Des victoires hier pour le Racing, pour Bordeaux-Bègles, pour Grenoble et pour Montpellier. Aujourd'hui, en clôture, Clermont reçoit Toulouse. Et puis la Formule 1, dans une demi-heure, le départ du Grand Prix de Suzuka au Japon, Grand Prix à suivre évidemment en intégralité sur RMC. 6h31, en attendant vous êtes avec Laetitia Berlerin et François Sorel, vos animaux. 32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. Attention Laetitia Berlerin, une petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre maintenant à la question de Catherine. Catherine qui nous dit ceci, j'ai eu connaissance, Laetitia, d'une vidéo où un abruti jette un chien d'un pont. Y a-t-il une solution pour poursuivre ces individus? Bien sûr, on est de l'ordre du pénal. Là, c'est un acte de cruauté envers un animal. Il faut vraiment être abruti pour jeter un chien d'un pont. Je pense qu'abruti, c'est faible, comme bon. C'est quand même un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Alors, le dénoncer vous-même, non, vous n'y arriverez pas. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer cette vidéo à une association ou une fondation de protection animale. Entre autres, Fondation 30 millions d'amis, Brigitte Bardot, SPA, etc., qui fera une enquête pour voir si c'est pas non plus une vidéo trafiquée. Enfin, Que ce soit vrai. Et elle portera plainte au nom de cette association en se en se portant partie civile. Pourquoi partie civile ? Parce que on est sûr qu'une enquête va être menée. D'accord. Parce que si vous portez plainte comme ça, ou voilà, c'est pas vous dénoncer, non. Donc du coup, il y aura une enquête informatique qui va remonter jusqu'au coupable. Et là, bah voilà, il y aura. En plus, il peut, il y a des circonstances aggravantes puisque cette personne se vante de son acte sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a, cette personne a posté la vidéo. Oui, c'est ça. Donc, je pense que là, le juge va être, enfin, j'espère... Exemplaire dans la punition. Voilà. Alors, c'est vrai que les juges sont de moins en moins cléments, heureusement. Et je pense que, oui, là, c'est passible de prison, bien sûr. Avant, il n'y avait même pas des prisons. Il y avait juste une amende et encore. Vous savez, il y avait un jeune homme qui avait jeté et torturé un chaton. Il s'en était vanté sur Internet. Oui, il a s'en eu souvient. Un enferme. Mais c'est très bien. C'est bien fait pour lui. Voilà, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr pour toutes vos questions animaux sur RMC. N'hésitez pas, on est là. RMC, c'est au 3216. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous sommes de retour sur RMC. Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble. Peut-être un petit peu moins, puisque à partir de 7h10, vous retrouverez le Grand Prix du Japon en direct et en intégralité avec toute la Dream Team F1 d'RMC. Et puis je reviendrai aux alentours des 9h. Avec Jean-Luc Moreau, et une heure entière sera consacrée à l'événement automobile du moment, c'est évidemment le Mondial de l'Auto. Ce sera tout à l'heure. Laetitia toujours à mes côtés, vos questions animaux au 32-16. Et Laetitia, je vous propose d'accueillir Nadia tout de suite. Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Bienvenue Nadia. Alors vous avez un chien nu à la maison? Voilà, c'est-à-dire qu'il est plus nu parce que je l'ai adopté il y a 7 mois et je lui laisse pousser les poils. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Attendez, Nadia. Juste une chose, Nadia. Déjà, vous parlez bien en face du téléphone parce qu'on vous entend très, très, très mal. Voilà. D'accord. Ok. Donc, oui. Vous avez adopté un chien chinois à Crète il y a 6 mois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. Et quand je l'ai adopté, donc il était complètement nu. Il avait juste des poils jusqu'en des pattes, quoi. Et sur la tête. Sur sa grande crête. Et comme moi, je déteste les chiens nus, je l'ai pris par. Parce qu'on m'a fait pitié, je l'ai pris à l'SPA plus par. C'est plutôt lui qui m'a adopté que moi qui l'ai adopté. C'est souvent le cas dans les refuges. Il y avait des chiens nus chinois à la SPA. C'est incroyable. Il y en avait un petit chien qui est devenu l'amour de ma vie. Oui. Parce que c'est des chiens vraiment. D'ailleurs, vous n'en parlez pas assez souvent, c'est des chiens qui sont vraiment. Mais, ça n'aboie pas, c'est vraiment adorable. C'est vrai, c'est vrai. Peu de personnes les connaissent. Hein. Mais oui, personne. Oui, c'est vrai qu'il est quand même classé dans les 10 chiens les plus moches du monde. Mais c'est honteux parce que franchement. Moi, je ne trouve pas moche. Bah, sur Internet, il est classé dans les 10 chiens les plus moches du monde. C'est honteux. Non, mais on ne va pas dire qu'il. Nadia, on ne dit pas qu'il est moche, on dit qu'il est différent. Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'ils sont différents. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais enfin, quand je le promène, on croit que c'est un chien malade, parce que donc je lui laisse pousser ses poils, et ça pousse pas derrière les pattes, ça pousse pas sur les flancs, donc ça fait un chien bizarre, quoi. Donc je voulais savoir si pour sa peau, si c'était pas mauvais de lui laisser pousser les poils, parce que je l'ai emmené chez la toiletteuse, et elle m'a dit que bon, ça va pousser la longueur, ça va cacher les flancs. Mais comme cet été, il a bronzé, il était rose, quand je l'ai eu, il est devenu tout noir. Oui. Donc là, il est squam, donc il a de grandes plaques roses. Il s'est pris des coups de soleil. Et oui. Alors, vous avez. Juste une chose, les poils repoussent où? Au niveau des pattes, de la tête et sur le corps aussi? Eh bien, il repousse donc principalement sur le dos. Il en a été sur le dos. Et il en a sur les pattes, mais pas derrière. Quand on le voit des dos, on dirait des cuisses de grenouille, quoi. Il n'y a pas de poils. D'accord. Sur les dents. En fait, on dirait qu'il a un pantalon de cow-boy. Ça fait comme des. Vous savez, les pantalons de cow-boy avec les franges, là. Oui. Donc, ça fait un chien bizarre, quoi. Alors, il faut laisser les poils ou pas, Laetitia? Bien sûr. Il faut les laisser. Je sais pas, vous aviez une question, Nadia? C'était pour savoir si on laissait les poils? Bah, c'est pour savoir si c'était pas mauvais pour sa peau, puisque c'est des chiens qui sont à la base, qui sont pas poilus. Oui. Alors. Savoir si vous pouvez lui laisser les poils pousser. Alors, poilu, nu, ça veut pas dire pas poilu. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut bien savoir, c'est que ça soit. Il y a trois races de chiens de. C'est un peu comme nous, on peut être nu et poilu. Exactement. Ben écoutez, Laetitia, oui. J'y pensais pas, mais maintenant, vous y faites penser. Attendez. Voilà. C'est sûr. Il y a des chiens nus péruviens, des chiens nus mexicains et des chiens nus chinois à crête. Alors pourquoi à crête ? Parce que ce sont des chiens nus, donc sans poils, sauf au niveau de la tête où ils ont une espèce de crête, c'est vraiment une noupette si vous voulez. Et au niveau des pattes où on a voilà ces franges de poils et au niveau de la queue, c'est où ça fait une frange de poils qui est très jolie. D'accord. Et c'est des chiens, c'est vrai qu'ils sont différents dans le sens où quand vous les rencontrez dans la rue, vous dites c'est moi je les trouve beaux mais bon après c'est ce que je pense hein. Et concernant les poils qui poussent, ne vous inquiétez pas Nadia. Nu, ça veut pas dire donc sans poils sur tout le corps, parce que même sur les parties où il n'y a pas de poils, des poils peuvent pousser. Alors ils sont discrets par rapport aux poils, d'un golden retriever, bien entendu. D'ailleurs, il y a des éleveurs qui rasent les poils dans les parties où il ne doit pas y avoir de poils, pour vous dire. Ah oui. Juste avant les expositions canines, ils prennent leur rasoir et puis ils rasent. Et ils disent même prenez la mousse à raser de votre homme et puis vous rasez les poils votre chien nu. Moi je suis contre, ça sert à rien et en plus dès que vous rasez vous irritez, vous le savez bien messieurs. Donc non, vous laissez pousser même si c'est pas s'il y a encore quelques poils qui se promènent sur le dos. Faites attention. C'est surtout aux ultraviolets, ça vous l'avez compris. Il est comme par hasard. Visiblement, le chien de Nadia s'est pris de sacrés coups de soleil, puisqu'il desquamait, il avait des plaques. Et il a aussi bronzé. C'est que ce sont des chiens qui bronzent, bien sûr, avec les UV. Ils ont pas de couverture, de poils de couverture. Mais ils ont une peau plus fine et plus résistante que la nôtre ou pas, malgré tout. Ah non. Et alors, ils ont une peau qui est plus résistante que la peau d'un chien avec des poils, mais pas plus résistante que la nôtre, puisque les couches la peau en elle-même, l'épaisseur de peau est très fine par rapport à la nôtre. Mais ils ont quand même une certaine carapace, si vous voulez, qui se met en place par rapport à des chiens qui seraient que tondus comme ça et qui ont une peau, qui ont un pelage. Mais faites très attention, Nadia, parce que nous, on a vu des coups de soleil, bien entendu. C'est pour ça que sa peau pèle après. Alors il va falloir lui mettre des crèmes ou de l'huile pour hydrater sa peau. Faites attention aux coups de soleil l'été et faites attention parce que coup de soleil veut dire aussi risque de cancérisation de la peau. D'accord. Et ils ont des cancers de peau, ces chiens-là. Donc l'été, il faut lui mettre un petit t-shirt et lui mettre... Oui, non, mais c'est vrai, il existe des petits t-shirts d'ailleurs faits sur mesure pour les chiens nus chinois. C'est rigolo, Il faut surtout lui mettre de la crème solaire. Écran total, bien sûr. Mais quelle crème solaire ? La même que la nôtre ? Alors, On prend de l'écran total pour humain ? Voilà, soit vous prenez celle pour humain. Le problème, c'est qu'on n'a pas le même pH de peau que le chien. Est-ce qu'on lui met un bob ? Et heureusement, oui, vous pouvez, il y a des bobs pour chiens. Et heureusement, il existe... Vous avez réponse à tout, Laetitia. Une crème solaire pour chiens et chats. Ça existe aussi ? Ça existe. D'accord. Alors, ce qui est bien avec cette crème solaire, c'est qu'elle est adaptée au pH de peau du chien et du chat. Alors, elle est 50 plus, bien sûr, mais c'est surtout qu'elle est adaptée à la peau de l'animal. Donc, pas d'irritation, des choses comme ça. Voilà, il n'y a pas de parfum, de choses comme ça. Elle est hypoallergénique et surtout très adaptée, donc elle pénètre bien et elle a beaucoup plus d'action qu'une crème solaire pour la peau humaine, puisqu'on n'a pas les mêmes peaux. Donc ça, c'est très important, Nadia. Dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est le t-shirt, la crème solaire, et puis l'hiver, un petit manteau. Alors, ils sont pas trop frileux, mais quand même. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas ce duvet qui les protège, c'est gras, ces chiens, c'est pas très gras en plus. Non. Alors vous voulez leur donner un shampoing une fois, une à deux fois par mois. D'accord. Pas plus, comme n'importe quel chien de ville, par exemple, qui a un shampoing. Donc il en faut un petit manteau quand même pour l'hiver. Alors, ils sont pas très frileux par rapport à ce qu'on pourrait penser. Oui. Mais quand même. Quand il y a des températures qui frisent les zéros, voilà. Et puis, ce sont des chiens d'intérieur. Ils aiment bien chaleur. Mais ils ont... Alors, dernière chose aussi, comme ils n'ont pas de fourrure pour les protéger de la chaleur et du soleil, ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie en alimentation. Donc, ils ont besoin de manger plus que les autres. Ils mangent plus que les autres, d'accord. Et oui, puisqu'ils doivent justement lutter ou contre le froid ou contre la chaleur. Donc, il faut leur donner un peu plus à manger. Et surtout, un aliment vraiment très, très... De haut de gamme, parce qu'ils sont très sensibles à l'alimentation et tout, avec des très bonnes protéines, des très bonnes graisses, justement pour lutter contre le froid ou contre le chaud, pour réguler leur température interne. Très bien, voilà pour ces chiens chinois à Crète. Et ils vivent très longtemps, 15 ans. C'est vrai ? Oui. En plus. Et ils sont adorables, ce sont des chiens adorables, et je pense que Nadia l'a découvert. Mais Nadia, on l'a bien compris, complètement amoureuse de son chien. Ah oui, c'est des chiens de compagnie adorables. Laetitia, dans quelques instants, on va se dire au revoir, puisqu'on va retrouver le Grand Prix du Japon. Mais auparavant, la question par mail de Ray. Que nous avons reçu sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Pourquoi certains chiens comme le mien adorent se faire passer l'aspirateur sur le dos, Laetitia? C'est sympa ça. Moi j'aimerais bien que mon chien aime ça, parce que alors ça me permettrait de ne pas le brosser, et comme ça au moins voilà, la corvée de brossage de mon chien, ça c'est serait la... très ouais. vite fait. Bah oui, parce que quand vous passez l'aspirateur sur le dos, ce qui est bien, c'est que vous absorbez les poils morts, et alors en période de mue, c'est quand même plus pratique qu'autre chose. Et ben pourquoi votre chien aime ça? Tout simplement parce que ça lui fait ce qu'on appelle un palpé roulé. Alors pas, mesdames, le palpé roulé contre la cellulite qui non, fait très très mal. C'est pas le même. Mais le massage, bien oui, sûr. Oui, en fait, ça le gratte, parce que ça lui fait ça du bien. Ça le masse, vraiment, ça le masse. Ouais, c'est ouais. vraiment un massage. Et on sait que le massage chez le chat, comme chez le chien, comme chez l'homme, c'est, ça a les mêmes bénéfices. Mmh. C'est-à-dire, bah, c'est relaxant, c'est vrai, c'est déstressant. C'est pour ça qu'il y a des masseurs oui, mais maintenant. Pourtant, le bruit de l'aspirateur, c'est pas déstressant. Non, bah il y a beaucoup de chiens et chats qui écoutent l'aspirateur, c'est pas. Enfin, il y en a qui s'en vont, hein, qui s'en vont. Alors ça dépend voilà ce qu'ils ont eu, mais vous savez que. Il faut passer l'aspirateur dès qu'ils sont tout petits en fait pour oui, qu'ils prennent l'habitude. Tout comme la cocotte minute, tout ce qui, même tous les produits ont, en tout cas ménagers, il faut qu'ils les écoutent quand ils sont petits pour bien savoir que c'est pas quelque chose de dangereux. Dangereux pour eux. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi pour votre chien, c'est que ça stimule la circulation sanguine, le fait de masser comme ça, même avec l'aspirateur. Or, quand vous avez la mue, ce qu'il faut, c'est stimuler justement la repousse du poil. Mmh. Et donc, passer l'aspirateur, ça stimule la repousse du poil. C'est incroyable. Mmh. Et alors aussi, on sait que le massage soulage la douleur. Or, s'il aime bien qu'on lui masse comme ça, qu'on lui passe comme ça l'aspirateur sur le dos, est-ce qu'il aurait pas des micro-douleurs sous le dos? Genre arthrose, je sais pas quel âge il a, votre chien Ray. Mais peut-être que le fait de passer l'aspirateur, ça lui soulage la douleur. Bien sûr. Tout comme nous, quand on nous masse des endroits qui sont douloureux, ça nous soulage la douleur. Donc, Ray, continuez à le faire. Tous les jours si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Voilà, et puis comme ça, en même temps, vous passerez l'aspirateur à la maison tous les jours. Et ben voilà. Ce qui est bien. Une pierre deux coups. Merci en tout cas, Ray, pour votre appel. Vous pouvez venir chez moi aussi, Ray, hein, de temps en temps. Ah oui, ça sera pas mal. Pour l'aspirateur. Oui. Ray qui nous envoyait sa question donc sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Au passage, vous cliquez sur j'aime. Laetitia, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, pour 2 heures d'émission cette fois-ci. Et non, même. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. On reviendra à notre rendez-vous habituel puisqu'on sort en fait de la saison de la F1 et de l'impact que ça pouvait avoir sur nos émissions du week-end. On sera là, bien sûr, dimanche prochain et vous restez avec nous. Donc, la F1, le Grand Prix du Japon, tout de suite. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de 9h avec Jean-Luc Moreau. On parlera du mondial de l'auto encore une fois. D'ici à dimanche prochain. À dimanche prochain. Bon dimanche à tous. Je vous embrasse. RMC, Vos Animaux. Christian Estrosi, président Les Républicains du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Christian Estrosi. RMC, Bourdin Direct, 6h-10h. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour à tous, il est 6h46, vous êtes bien sur RMC, la radio de la Formule 1, dans 14 minutes maintenant, départ du tour de formation du Grand Prix du Japon, mais tout de suite la météo et notamment celle du côté de Suzuka avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour Jean-Luc, effectivement du côté de Suzuka au Japon, c'est couvert actuellement avec quelques rayons de soleil possibles en cours de matinée. La température est agréable avec 21 degrés, un petit vent de nord-ouest, mais surtout pas de pluie attendue pour le Grand Prix normalement ce matin. En France, là aussi, des nuages pour le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie et la Bretagne. La Bretagne Nord, aujourd'hui, il pourrait même localement apporter à ces nuages quelques averses le long des côtes de la Manche. Des averses que l'on devrait retrouver aussi dans l'est du pays, entre la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Et puis plus bas, sur la côte d'Azur et la Corse. Sur les Alpes, ces quelques gouttes pourraient se transformer en flocons de neige dès 1600-1800 mètres d'altitude. Sur le reste de la moitié nord, les nuages et brouillards de la matinée vont disparaître peu à peu et laisser place à de belles éclaircies. Dans le sud et sud-ouest, le soleil va encore briller aujourd'hui. Attention par contre, en Méditerranée, le Mistral et la Tramontane restent présents avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles restent fraîches. Ce matin, il fait entre 3 et 7 degrés. Cet après-midi, on attend de 13 à 23. Il fera notamment 14 à Lille, 15 à Brest et Lyon, 16 à Paris, 20 degrés à Marseille et 23 à la maximale pour Ajaccio en Corse. La météo avec Atlantique. Chaudière, pompe à chaleur et radiateur connectés. Bah, Atlantique, quoi. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 16h15, rugby top 14, le choc, Clermont-Toulouse. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC, 6h48 minutes, dans 12 minutes, départ du tour de formation du Grand Prix de Suzuka. Mais tout de suite, les infos grâce à Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Luc. Donald Trump peut-il s'en relever? Propos sexistes, vulgaires, salaces même. Ce soir, il sera face à Hillary Clinton pour le deuxième débat de la présidentielle américaine. La peur a changé de camp, disent les policiers hier. Quatre d'entre eux ont été attaqués dans l'Essonne, attaqués au cocktail Molotov. Deux d'entre eux sérieusement touchés. Et puis le sport, le football. France-Pays-Bas, demain soir, qualification pour le Mondial 2018 et Gamero. Nouveau chouchou des Bleus. 6h48 sur RMC. Bonjour à tous. Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari? Le deuxième débat de la présidentielle américaine prendra-t-il un peu plus de hauteur que cette phrase signée Donald Trump à l'encontre d'Hillary Clinton? Réponse ce soir, 84 millions de téléspectateurs pour voir si le candidat républicain va pouvoir relever la tête après les polémiques des dernières heures. Philippe Gasseau. Eh bien oui, Donald Trump, rattrapé par une vidéo vieille de plus de 10 ans, tente d'allumer des contre-feux, mais cela ne passe pas. Ses excuses à lui, qui considérait en 2005 que quand on est une star, eh bien, les femmes sont prêtes à tout, avec explication salace d'époque à la clé, cela heurte ses adversaires, bien sûr, mais aussi ses alliés, à commencer par le vice-président désigné Mike Pence, qui rejette en bloc et se dit outré. Le gouverneur de l'Utah retire son soutien et Hollywood s'en mêle. Robert De Niro, en vidéo, vomit l'action de Donald Trump, c'est dire, et lui promet son poing. Hillary Clinton répète qu'on ne peut pas permettre à cet homme de devenir président. Cela ressemble à une Al-Ali. Voyons comment sera Donald Trump, dos au mur, pour le second débat. Philippe Gasseau, le correspondant d'RMC aux États-Unis. 140 personnes tuées, plus de 500 blessées. Le bilan terrible de plusieurs raids aériens menés hier soir sur Sanaa, la capitale du Yémen. Les rebelles sur place accusent la coalition internationale emmenée par l'Arabie Saoudite. Les États-Unis disent d'ailleurs réfléchir à poursuivre ou non leur soutien à cette coalition. La communauté internationale toujours aussi impuissante en Syrie. Cette fois-ci, toujours pas de cessez-le-feu voté à l'ONU. Il s'agit pourtant de sauver la ville d'Alep. Conseil de sécurité réuni pour rien hier, russes et occidentaux dos à dos. L'ouragan Matthew, il a sérieusement perdu de sa puissance aujourd'hui, mais ces dernières heures il a tué 11 personnes aux États-Unis sur la côte est du pays. Mais là où l'inquiétude est la plus sérieuse, c'est bien sûr en Haïti. Près de 900 personnes tuées sur place et une île ravagée. Caroline Mière, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC de BFM TV en Haïti, où contrairement il y a 10 ans après le séisme, le gouvernement semble s'organiser pour venir en aide aux sinistrés. L'aide humanitaire mondiale arrive, mais l'enjeu, c'est d'éviter la pagaille de 2010. Après le séisme qui a fait 200 000 morts, l'aide a eu du mal à arriver jusqu'aux sinistrés. Cette fois, le gouvernement a repris les choses en main et exprime des besoins clairs. Prévenir les risques sanitaires. Le choléra, déjà présent sur l'île, a déjà fait de nouvelles victimes. Il faut donc se concentrer sur l'eau. La France est en train d'envoyer 60 militaires de la sécurité civile, 32 tonnes de matériel, dont 2 stations d'épuration. Mais l'accès aux zones du sud les plus touchées est encore très difficile. Les Américains, eux, ont donc choisi de passer par la voie des mers en envoyant le Mesa Verde, un navire amphibie qui transporte des hélicos, des bulldozers et lui aussi des moyens pour acheminer l'eau potable. Caroline Mière, envoyée spéciale d'RMC de BFM TV en Haïti. 15h, en plein après-midi hier, à Viry-Châtillon, en Essonne, plusieurs personnes qui n'hésitent pas à incendier 2 voitures de police. 4 agents brûlés, 2 le sont sérieusement. Acte de violence inqualifiable, expliquait François Hollande. L'origine de l'attaque, c'est la surveillance par les forces de l'ordre d'un point de trafic de stupéfiants et des forces de l'ordre touchées par des cocktails Molotov. Forcément, ça effraie Fabien Lefebvre du syndicat UNSA Police sur place. Il s'agissait de patrouilles Vigipirates. Donc ils ne sont pas équipés pour faire face à des violences urbaines, à ce type d'agression. Ça fait de nombreux mois qu'on réclame des effectifs supplémentaires. On est démunis, c'est simple, on n'a pas d'effectifs. Alors je sais pas ce qu'on attend, le déclic qu'on attend réellement pour intervenir, pour faire quelque chose sur ce quartier. Bah voilà, bah ça passe, et puis bah la routine revient. Deux semaines après, il y a un nouveau guet-apens, puis bah voilà, on remet des effectifs pour sécuriser le quartier, après ça repart, et c'est on a l'impression que c'est un cycle. Il n'y a rien qui est fait. Fabien Lefebvre au micro de Romain Cluzel. La politique ce dimanche et la campagne des primaires chez les Républicains. Meeting de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Paris. Hier, c'est son rival Alain Juppé qui présentait ses ambitions pour la jeunesse. Jeunesse qui, malgré l'image d'austérité qui entoure le maire de Bordeaux, semble de plus en plus séduite, Jacques Serret. Oui, pour certains de ces jeunes, l'âge du candidat Juppé est un atout. Ce qui me dit c'est Juppé, c'est qu'il a plus d'expérience que les autres. De l'expérience et la perspective d'un mandat unique, Hugo, 21 ans, étudiant en droit, veut un président qui ne cherche pas à tout prix à être populaire. Il ne compte faire qu'un seul mandat, donc il ne va pas être dans une optique d'être apprécié de tous et de se faire réélire. Donc il fera ce qu'il a à faire, peu importe ce que ça lui en coûte dans sa popularité et de l'opinion publique. Pour Anaïs, 20 ans, originaire de Bordeaux, le bulletin Juppé est davantage un compromis. En fait, je pense que dans les idées, je suis plus de gauche en vrai. Cette étudiante en relations internationales vante le côté rassembleur du candidat. Moi, il me séduit parce que c'est le seul qui reste un peu calme et stoïque par rapport aux défis actuels. C'est le seul qui cherche pas à exciter les foules. On se sent, je trouve, plus rassuré et plus en confiance avec lui en ce moment qu'avec les autres candidats. Bref, plus que le programme politique, c'est davantage l'homme qui fait la différence chez ces jeunes électeurs. Et le dernier sondage en date d'Odoxa ce matin pour France 2, Alain Juppé, 39% des suffrages au premier tour devant Nicolas Sarkozy, 31%. Il est 6h54 sur RMC. 5 ans qu'il n'avait plus revêtu le maillot bleu de l'équipe de France de football et vendredi soir il a inscrit un doublé. Kevin Gamero devrait être sur la pelouse demain soir face aux Pays-Bas. Joueur en pleine résurrection. J'ai pu entendre que j'avais pas le niveau international, j'ai pu entendre certaines choses. Et je pense que durant ces 3-4 dernières années, on m'avait peut-être un peu oublié aussi. C'est une petite revanche sur ce qui a pu se passer, ce qui a pu se dire sur moi. J'écoute pas trop les gens, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Et le travail paye et quand on continue à bosser, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et il faut saisir son moment à chaque fois quand on peut l'avoir. Le rugby, 8e journée de top 14 ce week-end sur RMC. Des victoires hier pour le Racing, pour Bordeaux-Bègles, pour Grenoble et pour Montpellier. Aujourd'hui en clôture, Clermont face à Toulouse. Et puis c'est l'avant-dernier rendez-vous de la saison pour les cyclistes. Paris-Tours ce dimanche, répétition générale avant l'épreuve finale. Les championnats du monde à Doha au Qatar. Pierre-Équitaine, deux Français, deux sprinteurs, Arnaud Desbarres et Nasser Bouani espèrent d'ailleurs y faire bonne figure. Oui, ces deux-là se connaissent parfaitement. De 2012 à 2014, ils cohabitent au sein de la FDJ avant que Bouani, fâché avec la direction sportive, ne prenne la tangente. Jamais de clash entre les deux hommes, mais une relation tendue, même si Arnaud démarre tempère. Pas de passif avec Nasser. C'est sûr que voilà, c'est un peu plus facile de courir quasiment le même programme depuis qu'il est parti. Libérer les deux coureurs s'émancipent, se construisent un palmarès. 11 succès pour Bouani cette saison, 6 pour Desbarres dont Milan-San Remo. Et aujourd'hui, c'est parmi les favoris qu'ils prendront le départ de la course, comme l'annonce Bouani. Essayer d'aller la gagner et mettre toutes les chances de mon côté pour passer la ligne le premier. Une fois la ligne franchie, il leur faudra ensuite enterrer l'âge de guerre puisqu'ils défendront dimanche les couleurs françaises au championnat du monde. En tout cas, difficile d'imaginer l'un se mettre au service de l'autre, pas forcément en raison de leur passé commun, surtout parce qu'un sprinter ne partage pas et ne pense qu'à une seule chose, passer la ligne en tête. Allez, avant de filer à Suzuka pour le Grand Prix du Japon, les courses pour terminer le quintet secours à Auteuil cet après-midi. Les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Darras vous propose le 4 Vicky de Reponnet, le 7 Télénomie. Brahim Asloum jouera le 5 Brise de Mer et Laurent Guédard misera sur le 11 Briaré et le 10 Vapalo, le 4 le 7, le 5 le 11 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Voilà, comme promis, c'est une autre Dream Team qui est avec vous ce matin. Jean-Luc Roy, Patrick Tambay, Louis Amar, le Grand Prix du Japon, messieurs. Et oui, Thomas, absolument. Maintenant, dans 4 minutes, le départ du tour de formation sur ce tracé formidable de Suzuka que les pilotes adorent et qu'il faudra parcourir à 53 reprises. Vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1. Vous restez avec nous. RMC. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec RMC, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui? Akena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akena? Chez vous, bien sûr. Akena, c'est votre véranda. 35 ans, ça se fête. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation, voire Renault.fr. RMC, Grand Prix du Japon, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amar. Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, la radio de la Formule 1. Vous le savez plus que jamais, pour le départ du 17e Grand Prix de la saison 2016 qui sera donné dans deux minutes maintenant pour ce qui concerne le tour de formation et que nous vivrons bien évidemment avec Patrick Tambay. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Et avec Louis Amar du côté du pays du soleil levant où il est levé depuis longtemps et la météo devrait être stable normalement, si je ne m'abuse. Salut Louis. Salut Jean-Luc, salut Patrick, bonjour à tous. Bonjour. Météo stable en effet, aucune chance de pluie durant cette course. Et ça c'est une très bonne nouvelle évidemment. On va tout de suite vous rappeler, vous donner la grille de départ qui a été considérablement modifiée. Oh là. Puisqu'un certain nombre de pilotes se sont vus appliquer des pénalités. Et on commence évidemment par Kimi Raikkonen qui a pris une pénalité pour un changement de boîte de vitesse. Donc Louis effectivement s'est tombé comme à Gravelotte. On rappelle que Vettel aussi était frappé par 3 places de pénalité pour son attaque un peu audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, lors du dernier Grand Prix en Malaisie. Et ça, nous l'avions su dès le dimanche soir dernier, lorsque les commissaires de course s'étaient réunis pour infliger cette sanction à Sébastien Vettel. Kimi Raikkonen a changé de boîte de vitesse, il a donc écopé de 5 places de pénalité. Jenson Button, lui, le pilote McLaren Honda, a dû changer de moteur. Quasiment toutes les composantes de son moteur ont été modifiées. Il écope donc de 35 places de pénalité et partira dernier. Patrick, en un mot, bien sûr, puisqu'on n'a pas le temps là de revenir sur le tracé de Suzuka, magnifique, magique, formidable, qui emballe les pilotes. Et sur cette pole, évidemment, décroché pour 13 millième par Nico Rosberg dans un dernier tour formidable. Sur cette fin de saison, il commence à être vraiment très très déterminé et motivé pour bien se placer au moment de la grille. Mais voilà, il a toute la montagne encore à gravir et à grimper. Il faut qu'il réussisse ce départ, ce premier tour, qui est un virage compliqué là au bout de la ligne droite qui est en descente. Donc il aborde ce virage avec beaucoup de vitesse. Eh bien, il a encore beaucoup de choses à faire. Et on sait que c'est un sport mécanique. C'est, tout en étant en tête de la course comme l'était Hamilton le week-end dernier, eh bien. Voilà. Eh oui, Patrick, tout peut arriver. Effectivement, c'est la 8e pole de la saison pour Nico Rosberg. Il égale son équipier Lewis Hamilton, qui était le plus rapide en Malaisie. Et puis, on se rappelle que Daniel Ricciardo avait décroché celle de Monaco, la 30e pole de la carrière de pilote de Formule 1 de Nico Rosberg. Voici donc la grille de départ de ce Grand Prix de Suzuka, alors que les pilotes sont en train de parcourir pour la dernière fois ce tracé de Suzuka avant de s'élancer, bien sûr. Première ligne, donc composée des deux Mercedes de Nico Rosberg, leader du championnat du monde, avec 23 points d'avance sur son équipier Lewis Hamilton, frappé par une casse moteur. Deuxième ligne, eh bien, elle sera composée des deux Red Bull Renault, de Max Verstappen et Daniel Ricciardo, après les pénalités qui ont frappé les pilotes Ferrari. On trouvera sur la troisième ligne Sergio Pérez, le pilote mexicain, il y a eu beaucoup de bruit au tour de Pérez, qui restera chez Force India. Il aura à ses côtés Sébastien Vettel, frappé donc de 3 places de pénalité. Voilà la bonne nouvelle. On retrouve Romain Grosjean, le pilote français de Haas Ferrari, 7e sur la grille de départ, avec Kimi Raikkonen, frappé, on vient de vous le dire, Louis vous le rappelez, de 5 places de pénalité sur la grille. Une double peine en plus pour Kimi, puisqu'il va partir du mauvais côté de la piste. Absolument, côté Patrick. Humide. On trouvera sur la 5e ligne de la grille de départ Nico Hülkenberg, le pilote allemand de Force India, et Esteban Gutiérrez, le jeune mexicain de chez Haas Ferrari, qui se montre à son avantage. La suite de la grille avec toi, Louis. et une sixième ligne 100% Williams. Valtteri Bottas partira en 11e position aux côtés de son équipier Felipe Massa. La ligne suivante est-elle 100% Toro Rosso. Daniil Gyat, le russe, partira 13e aux côtés de Carlos Sainz Junior. Un autre espagnol en 15e position, Fernando Alonso, le pilote McLaren Honda, aux côtés de la première Renault emmenée par le britannique Julian Palmer. Kevin Magnussen, le deuxième pilote Renault, partira 17e aux côtés de Marcus Ericsson. Felipe Nasser, le brésilien de l'écurie Sauber Ferrari, sera 19e aux côtés du français Esteban Ocon, qui a terminé les qualifications de 10e devant son équipier chez Manor, Pascal Wehrlein, qui partira 21e. Jenson Button, pénalisé de 35 places, on l'a dit, pour un changement de moteur, s'élancera dernier. Et on tout le monde en pneumatique soft, Jean-Luc. Oui, oui, absolument, Patrick. Sauf Bottas et Massa. Bottas, hein, semble-t-il. Voilà. Bottas et Massa. Palmer, ouais, et ouais, Ericsson. Ouais, qui partiront en pneumatique médium. Donc c'est à prendre en considération évidemment pour les premiers arrêts au stand. Je vous rappelle qu'il y aura 53 tours de ce tracé long de 5 km 807 à parcourir, ce qui représente un peu plus de 307 km. Et on se souvient que l'an dernier, eh bien les deux hommes de chez Mercedes ne s'étaient pas épargnés dans le premier long virage à droite, puisque Lewis Hamilton avait un petit peu tassé son équipier Nico Rosberg à l'extérieur. Rosberg qui avait perdu 2 places à cette occasion. Et évidemment, la victoire, elle était revenue justement à Lewis Hamilton devant Nico Rosberg. Sébastien Vettel complétait le podium devant Raikkonen, Bottas, Hülkenberg. Romain Grosjean avait réalisé une belle course. Il était 7e il y a un an. Et on rappelle qu'à 12 reprises, eh bien, les pilotes se sont imposés depuis la pole. À 11 reprises, depuis la 2e place sur la grille de départ, les voitures s'immobilisent. Le départ dans quelques secondes, oui. À Suzuka, là où tant de pages de la grande histoire de la Formule 1 se sont écrites dans la grisaille japonaise, elle est importantissime, cette 17e manche du championnat du monde. Le leader au classement général provisoire s'appelle Nico Rosberg, il est également poleman pour la 3e fois consécutive ici au Japon. Lewis Hamilton, son équipier, sera à ses côtés. La 2e ligne est composée des Red Bull de Max Verstappen et de Daniel Ricciardo. Romain Grosjean partira 7e, les premiers feux s'allument. Bon réveil à tous et parole au moteur. C'est parti, et Nico Rosberg a réussi son envol à l'inverse de Lewis Hamilton qui s'est fait dépasser par Max Verstappen qui va tenter d'aller chercher Rosberg au premier virage à droite, mais Nico Rosberg a parfaitement réussi son départ et il est toujours en tête. Excellent départ de Nico Rosberg, effectivement, qui file devant, alors que du côté de Lewis Hamilton ça n'a pas été du tout, il est très loin. Lewis Hamilton, il est au milieu du paquet, il est derrière les deux Ferrari semble-t-il. Évidemment, ça va profiter à Nico Rosberg, bien protégé par un des pilotes Red Bull. On est maintenant dans le steak et c'est Vettel également qui a semble-t-il pris un très bon départ, et l'un des pilotes Force India, je crois que c'est Verstappen. Donc voilà, Verstappen est maintenant deuxième, Perez est troisième, Perez qui a pris l'excellent départ, Ricardo quatrième, Vettel est du côté de Romain Grosjean, on doit être au neuvième rang, Louis. Oui, Romain Grosjean est pour l'instant 9e, absolument. Il a donc perdu 2 places, lui qui s'était lancé à la 7e position. Mais le fait marquant de ce départ, alors qu'on est encore dans le premier tour de ce Grand Prix du Japon, c'est l'envol complètement loupé de Lewis Hamilton, qui a renoué donc avec ses ennuis au départ, qu'il avait connu notamment à Monza il y a quelques semaines. Ah oui, terrible ratage de Lewis Hamilton, qui s'est lancé donc depuis la première ligne de la grille de départ. Au deuxième rang, évidemment, ça profite à Nico Rosberg. Nico Rosberg qui a piste libre devant lui et qui a déjà creusé un petit écart sur Max Verstappen, le pilote hollandais. Derrière, eh bien, Sergio Perez, vraiment, caracole au troisième rang. Il a devancé Daniel Ricciardo, l'autre pilote Red Bull Renault. Vettel a pris un bon départ, il est cinquième, mais c'est du côté évidemment de Lewis Hamilton qu'on va s'intéresser pour voir si Lewis est en mesure d'effectuer une remontée. En tout cas, un départ catastrophique, Patrick, de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton mal parti, tous les autres ça s'est plutôt bien passé, pas d'incident à vous rapporter. Verstappen a réussi un excellent départ, de même que Pérez. Et le premier tour a été bouclé. Maintenant, Louis, l'ordre de ce Grand Prix du Japon avec un départ idyllique pour Nico Rosberg, le poleman de l'épreuve. Qui est toujours en tête, Nico Rosberg, à l'issue de ce premier tour, devant Max Verstappen, 1,5 secondes derrière l'Allemand de Mercedes. Sergio Perez, le Mexicain de l'écurie Force India, qui était parti 5e et désormais 3e, devant Sébastien Vettel, qui est 4e aux côtés de Daniel Ricciardo, 5e, Nico Hülkenberg est 6e, Kimi Raikkonen 7e, Lewis Hamilton n'est donc que 8e, le champion du monde en titre, Romain Grosjean et Esteban Gutiérrez, les deux pilotes As Ferrari sont respectivement 9e et 10e. Quant à Esteban Ocon, il n'a pas bougé, il était parti 20e, il l'est toujours. Et on va surmonter et repérer plutôt la remontée justement de Lewis Hamilton. Il est condamné à mener une course à nouveau, une course un peu similaire à celle que Nico Rosberg avait dû mener, vous vous en souvenez, après avoir été éperonné justement par Sébastien Vettel peu après le départ du Grand Prix de Malaisie, le dernier Grand Prix. Et bien là c'est Lewis Hamilton qui s'est piégé tout seul avec un départ absolument catastrophique, Patrick. Oui. Certes il était du mauvais côté de la piste, mais quand même hein. Mais c'est celui qui réalise le plus mauvais départ, il a perdu 6 places, c'est un exploit qu'il faut aussi mettre entre parenthèses. Et oui, alors du côté de Nico Rosberg, évidemment, on l'a dit, il y a piste libre, il va pouvoir gérer son train de pneumatique, alors qu'évidemment, pour se lancer dans cette remontée, Lewis Hamilton va être obligé de taper dans son stock de pneumatiques. Lewis Hamilton, pour le moment, seulement 8e de ce Grand Prix, devant le pilote français Romain Grosjean. Ça va être un énorme défi pour Lewis Hamilton qui avait tout misé sur ce départ. Tu rappelais tout à l'heure que l'année passée, alors qu'il s'était également élancé deuxième, il avait réussi à reprendre l'avantage acquis en qualification par Nico Rosberg dès le premier virage. Il n'y est pas parvenu cette fois-ci. Lewis Hamilton qui avait déclaré avant le Grand Prix de Singapour que peut-être que les départs pourraient lui coûter le titre cette saison. Il n'est pas impossible que cette course marque un véritable tournant dans le championnat du monde. Si d'aventure Lewis Hamilton ne parvenait pas à remonter, il y en a un qui en revanche parvient à remonter, c'est Sébastien Vettel, qui vient à l'instant de manger Sergio Pérez. On écoute Hamilton. Pas de stress, Lewis, lui dit-on. Eh oui, évidemment, on essaie de le calmer. Lewis Hamilton qui doit s'en vouloir furieusement et qui, assez mystérieux quand même, hein, ces départs ratés de la part de Lewis Hamilton. C'est vraiment. Il y a tellement d'éléments qui entrent en cours dans ce jeu-là, Patrick. On le voyait très soucieux sur la grille. Hein. Il regardait l'humidité qui se dégageait encore du bitume à l'emplacement de sa voiture, là où il devait partir devant. Toute la descente vers le premier virage, et il était inquiet, il en parlait avec son ingénieur, et son ingénieur lui avait l'air de lui dire mon pote, mon vieux, c'est comme ça. Et oui, on remarque effectivement, Sergio Pérez lui était du bon côté de la piste, hein, bien sûr il était du côté des chiffres impairs, donc il était derrière Rosberg et derrière Verstappen, et comme par hasard évidemment ces hommes-là ont pris un excellent départ. Peut-être cette humidité responsable effectivement du très très mauvais départ, du départ même catastrophique de Lewis Hamilton condamné à une remontée, alors que devant, Nico Rosberg, le poleman, caracole en tête, déjà 2 secondes 2 d'avance, Louis, sur Max Verstappen qui tient bien son rang. Max Verstappen qui a réussi un magnifique envol. Il a su à merveille profiter des déboires de Lewis Hamilton pour reprendre la deuxième position. Il a ensuite cherché dans le premier grand virage à droite à attaquer Nico Rosberg, mais il était trop loin de l'Allemand pour espérer reprendre cette première place. Résultat, Max Verstappen est donc pour l'instant deuxième de ce Grand Prix à 2 secondes du leader du classement général provisoire du championnat du monde. Et Sébastien Vettel, lui, qui a été tensé par le patron de la Scuderia, Maurizio Arrivabene, qui a dit qu'il devait mériter sa place pour les prochaines saisons à la Scuderia, semble l'avoir compris. Il a parfaitement réussi son départ. Il est actuellement 3. Et oui, on sait que Sébastien Vettel n'est pas parvenu à s'imposer cette saison avec sa Ferrari, contrairement à la saison 2015 où il avait gagné à 3 reprises. Et ça concerne évidemment les saisons au-delà de 2017, puisqu'on sait que Sébastien Vettel a un contrat avec la Scuderia Ferrari pour la prochaine saison. En tout cas, Patrick, les pilotes là rivalisent dans les différents secteurs, hein, puisqu'on voit que ça se repeint en fuchsia au gré des tours entre Rosberg, Verstappen et Vettel. Oui, ils sont en train de tendre là maintenant, la température de la piste est en train de se normaliser, je dirais qu'avec les passages répétés des monoplaces, la trajectoire est en train de sécher, donc les performances sont en train de baisser. Et puis on rappelle que du côté des pneumatiques, on a choisi des pneumatiques médium du côté des deux Williams Mercedes qui sont partis bien loin sur la grille de départ, Bottas et Massa, 11e et 12e, mais c'est surtout effectivement ce départ totalement raté de Lewis Hamilton qui va rester un mystère absolu. Seul lui, peut-être et encore, est en mesure d'expliquer ce qui s'est produit. Lui, en tout cas, le voilà condamné à une remontée qui n'est pas évidente. Hein. Il est toujours 8e pour le moment, coincé entre Raikkonen et Grosjean. Coincé à plus de 9 secondes de son équipier Nico Rosberg, dont il doit impérativement se rapprocher, évidemment à la fois au classement de ce Grand Prix du Japon et à celui du championnat du monde, où Lewis Hamilton est toujours en chasse d'une 3e couronne mondiale. Il n'y a rien à dire, là on revoit les images de son départ, il est resté scotché de très longues secondes sur sa position de départ. Lewis Hamilton doublé par les deux Red Bull, par les deux Ferrari et par la Force India de Sergio Pérez, qui elle a réussi un envol magnifique. Mais vous le rappeliez, messieurs, il était du bon côté de la piste. Et oui, il était du bon côté de la piste, et manifestement tous les pilotes qui se trouvé du côté gauche de cette piste naturellement ont été avantagés, puisque c'est là que les monoplaces balayent la piste, la nettoient, ils mettent de la gomme. Évidemment, Patrick, on se souvient il y a longtemps des polémiques concernant notamment Ayrton Senna, qui avait signé la pole à plusieurs reprises ici et qui était condamné par la FIA à partir du mauvais côté de la piste. Tu t'en souviens comme moi? Voilà, oui, le grand débat, c'était de savoir si le poleman avait la possibilité de faire le choix de partir à gauche ou à droite en fonction du premier virage. Eh bien, c'était pour Ayrton Senna, qui a été à l'origine du changement de réglementation. Un pensum. Eh oui, c'était un pensum et c'était évidemment une manière, allez, on va oser le dire, hein, de le pénaliser à l'époque tellement il était rapide en qualification et systématiquement, eh bien, il était pratiquement placé du mauvais côté de la piste. Tant pis, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais c'est pas grave, c'est vraiment ce que je pense, hein, Patrick, on est là pour le dire. Allez, Nico Rosberg, en tout cas, lui, il est devant avec 3 secondes et demie d'avance sur Max Verstappen. Ça veut dire que pour le moment, évidemment, soyons clairs, Patrick, on ne voit pas ce qui pourrait entraver pour le moment. Bon. Oui, problème technique, bien sûr. Non, mais... voilà. Oui, on est d'accord. Souviens-toi d'Hamilton le week-end dernier. Donc, on l'a dit, hein, c'était le départ, réussir le départ. Il y a déjà, on va dire, 30% du travail qui est fait pour Rosberg. Voilà. Ça, et ensuite, je ne vends pas la peau de l'ours. L'ours japonais, lui, je dis simplement qu'avec 3 secondes 6 d'avance en 5 tours, le calcul est vite fait. Hein, il s'éloigne au rythme de 6 à 7 dixièmes au tour, lui. Oui, il est parfait, Nico Rosberg, pour l'instant, en vol magnifique et ensuite beaucoup de maîtrise pour repousser Max Verstappen. Il accroît son avance encore lors du dernier tour, 1:37.395 pour Nico Rosberg, 1:38.083 pour Max Verstappen. Sébastien Vettel est lui toujours en troisième position et Kimi Raikkonen s'était rapproché tout à l'heure de Nico Hülkenberg. Il a réussi à le dépasser, Kimi Raikkonen. Il s'est hissé pour l'instant au sixième rang de ce Grand Prix de Suzuka. 5 tours ont été couverts sur ce tracé de Suzuka, ce tracé assez magique de 5 km 807 qui nous a réservé déjà évidemment un événement extrêmement important au moment du départ, le classement de ce Grand Prix de Suzuka, Louis, après 5 tours sur les 53 à parcourir. Nico Rosberg est donc en tête avec désormais plus de 4 secondes d'avance sur le néerlandais de l'écurie Red Bull, Max Verstappen. Sébastien Vettel est lui en troisième position à 2 secondes de Verstappen. Sergio Perez est quatrième à 4 secondes de Sébastien Vettel. Daniel Ricciardo est à moins d'une seconde de Sergio Perez en cinquième position. Il va peut-être pouvoir utiliser son DRS bientôt. Kimi Raikkonen est à lui un tout petit peu plus d'une seconde de Daniel Ricciardo. Il est sixième. Nico Hülkenberg est septième. Lewis Hamilton est toujours coincé derrière lui. Il va tenter de l'attaquer là. Nico Hülkenberg, mais il n'y parvient pas. Hamilton toujours coincé donc en huitième position. Romain Grosjean est neuvième. Toujours dans les points, c'est son équipier qui est juste derrière, Esteban Gutiérrez, 10e. Et puis on soulignera évidemment la belle position pour le moment d'Esteban Ocon qui est 20e et qui devance toujours son équipier Pascal Wehrlein et même Jenson Button, parti dernier sur la grille de départ. Nous vivons ensemble ce Grand Prix de Suzuka, le 17e de la saison 2016 de Formule 1, avec pour le moment la domination de Rosberg. Mais attention, rien n'est joué naturellement. La bataille fait rage derrière entre Verstappen, Vettel, Perez et bien sûr Hamilton, lancé dans une belle remontée. Vous restez avec nous. RMC, Grand Prix du Japon. J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip top. Exemple, Feu Vert offre moins 10% sur votre révision réservée en ligne et votre garantie constructeur est préservée. Mais attention, vous n'avez plus que jusqu'au 22 pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Bonjour patronne. Bonjour Pierrot, alors ce dos? Oh, j'en suis au point de laisser mon voisin s'entraîner au massage sur moi. Oh. Bah oui. D'ailleurs, il me parlait de coaching santé. Notre mutuelle n'aurait pas ça par hasard? Du coaching santé? Oui. Tu sais, les trucs d'Américains, moi. Et puis t'as des voisins sur qui compter, c'est formidable. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Pierrot aurait pu profiter d'un coaching santé personnalisé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale. RMC, Grand Prix du Japon, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amard. Allez, vous êtes bien sûr RMC, la radio de la Formule 1. Il est 7h15. Vous avez bien fait de nous accompagner ce matin pour le 17e Grand Prix de la saison. Eh bien, la surprise du départ, elle n'a pas été dans le premier virage comme l'an dernier, Patrick, où on le rappelait, Lewis Hamilton, qui était deuxième sur la grille, avait tassé Nico Rosberg et avait emporté ce Grand Prix. Eh bien là, c'est l'inverse. Il s'est piégé tout seul, en quelque sorte. Lewis Hamilton, littéralement scotché sur la grille de départ. Absolument. La sagesse de tous les pilotes lors du départ... c'est la surprise du chef, hein. Là, du chef, c'est, oui. C'est là, vraiment la grande surprise. Il faut espérer. Max Verstappen qui se plaint d'un problème de grippe. Ouais, il faut espérer que Nico Rosberg ne soit pas en train de taper trop dans le matériel. Oui, il faut qu'il la gagne cette course, c'est très très important. Oui, il pourrait ne terminer que deuxième, mais pour l'instant, il est en tête de cette course et il la maîtrise très très bien. D'autant plus que Verstappen est en difficulté, semble-t-il, un petit peu avec ses pneumatiques, talonné qu'il est par Vettel qui revient sur lui. Et oui, Vettel qui, effectivement, après un départ correct, on va dire, puisque Sébastien Vettel, vous le savez, a été pénalisé, mais il était du mauvais côté de la piste. Lui aussi, il était sixième sur la grille aux côtés de Romain Grosjean. Romain Grosjean qui se tient dans le top 10 pour le moment. Et on voit, Louis, derrière, qu'effectivement, la pression de Vettel, le pilote Ferrari, le troisième, troisième, se fait de plus en plus précise sur Max Verstappen, le deuxième. Il est à moins de 2 secondes désormais de Max Verstappen qui marque le pas après un très bon début de Grand Prix. Il s'est plaint, on l'a entendu à l'instant dans sa radio, d'un problème de grippe et cela se ressent au niveau des temps. Nico Rosberg a tourné en 1.37.907 tout à l'heure, Max Verstappen en 1.38.551. C'est également moins vite que le troisième Sébastien Vettel qui lui a pris un petit dixième sur le dernier tour. Et puis on a vu que Kimi Raikkonen, Patrick, s'est offert un petit passage sur l'AstroTurf. C'était un peu limite, hein. Ouais, papy, il fait pas de la résistance ce matin. Il a du mal à se réveiller ou se mettre dans le bain. Il a perdu pas mal de place au départ et là il est sous la pression d'Hamilton. Et oui, il avait été pénalisé, faut-il le rappeler, de 5 places pour un changement de boîte de vitesse alors qu'il avait signé le 3ème temps lors des qualifications. Il est actuellement 6ème, Kimi Raikkonen, mais une nouvelle fois c'est bien la remontée de Lewis Hamilton qui est importante et que l'on va suivre, même si elle n'est pas fulgurante, hein, Louis, pour le moment. Il signe les temps corrects, certes un peu plus rapides que ceux de Kimi Raikkonen. On va entrer d'ailleurs dans la bulle du DR dans pas longtemps. Il a réussi tout à l'heure à l'aspiration sur la grande ligne droite des stands et avec l'aide du DRS à prendre Nico Hülkenberg, Hamilton. So the cars are struggling now on their tires. You just see Raikkonen. Just remember, need to keep these tires alive as long as possible. Garde tes pneus en vie aussi longtemps que possible. Les autres commencent à avoir du mal à les utiliser. Voilà la stratégie, elle est limpide pour Lewis Hamilton. Absolument. Ménager ses pneumatiques soft pour ne s'arrêter que le plus tard possible et essayer du coup de profiter des passages au stand des autres pour gagner des places ainsi. Eh oui, c'est le long run que l'on attend de la part de Lewis Hamilton, Patrick. Seulement voilà, il va un petit peu buter en quelque sorte sur les pilotes qui le précèdent et notamment la Ferrari de Kimi Raikkonen et la Red Bull de Daniel Ricciardo. Oui. Ricciardo, Patrick, qui se plaignait d'un manque de vitesse de pointe lors des qualifs. C'est malgré tout pour Hamilton à peu près comme Rosberg lorsqu'ils sont derrière au départ, derrière dans un peloton, ils ont tendance à prendre un peu de temps pour se mettre en route avant de tout lâcher, et quand ils se mettent en route, alors à ce moment là ils sont très très rapides, mais pendant et en début de course et avec beaucoup d'essence à bord sur les pneus les plus performants, les pneus qu'ils ont utilisés en Q2, eh bien ils font attention à les emmener le plus loin possible. Et on rappelle que ce sont les pneumatiques soft, hein. Il y a 3 qualités de gomme qui ont été amenées par Pirelli ici, les soft, les médiums et les hard. Et on rappelle que les premiers pilotes sur la grille à avoir utilisé les pneus médiums au départ, eh bien, ce sont les deux Williams Mercedes de Valtteri Bottas et Felipe Massa, partis 11e et 12e. On va voir si cette stratégie leur sourit, pas trop pour le moment. 13 et 14 pour l'instant. Ouais, voilà, voilà Patrick, exactement, tu as répondu à la question. Et pour le moment, elle leur sourit pas tellement, hein, parce qu'ils ont... Allez, Alonso, je crois, dans les stands. Hein. Louis, Alonso dans les stands. Oui, Fernando Alonso, premier pilote à s'arrêter, Fernando Alonso qui s'était élancé de la 15e position, lui aussi équipé de pneumatiques soft, et il ressort de la voie des stands avec des pneus durs, je crois, Fernando Alonso. Alors ça c'est un élément important, ça veut dire qu'on va voir un éventail de stratégies relativement ouvert, Patrick, dans la mesure où c'est vrai que ce troisième train permet effectivement d'être des stratégies alternatives, on l'a vu à plusieurs reprises dans le passé. Absolument, mais sur ce tracé, on va assister maintenant à des phénomènes de stratégie en fonction de l'adhérence et en fonction du comportement de la monoplace sur les pneus. Si l'équilibre de la monoplace est bon, notamment dans tout le secteur numéro 1 avec le retour du Snake, eh bien les pilotes resteront dans le coup, sinon ils risquent de perdre beaucoup de temps. Et Lewis Hamilton toujours 7e pour le moment, pas vraiment lancé dans une remontée échevelée pour le moment, Louis, même si sur certains tours il est plus rapide que Kimi Raikkonen, il ne devrait pas tarder à entrer dans la bulle de la seconde. On rappelle qu'évidemment Kimi Raikkonen lui est à l'attaque de Daniel Ricciardo également, Louis. Et donc Kimi Raikkonen bénéficie lui du DRS qui rend plus difficile les affaires de Lewis Hamilton pour partir en chasse du Finlandais Verstappen. Absolument, il se peignait de problèmes de grippe mécanique, Max Verstappen. Il entre à l'instant dans la voie des stands ainsi que son équipier Daniel Ricciardo. Max Verstappen qui était équipé de pneus soft comme l'ensemble des pilotes du top 10, il va ressortir avec un autre train. Les hard, d'après ce que j'ai vu. Les durs, hard, voilà, hein, exactement. Oui. La même chose que pour Fernando Alonso. Exactement. Et quant à Daniel Ricciardo, ce sont les pneus durs aussi, je crois, qui ont été montés sur sa monoplace. Alors, on va aller le plus loin possible avec ses pneus et ensuite on devrait terminer la course en pneus médium. Oui Patrick, effectivement, ça veut dire qu'on a tenu seulement une dizaine de tours, hein, avec les pneumatiques soft. Et là c'est vrai que du côté des Red Bull, eh bien stratégie exactement identique pour Max Verstappen et pour Daniel Ricciardo. Les hard, les pneus comme tu le disais Patrick, on va essayer d'emmener naturellement le plus loin possible pour ne s'arrêter qu'une deuxième fois. La stratégie à deux arrêts, celle qui était privilégiée a priori par tout le monde, hein, Patrick. Oui absolument. Louis, on va observer maintenant ce qui se passe pour Lewis Hamilton, qui logiquement, évidemment, a gagné des places avec les arrêts des deux hommes de chez Red Bull devant lui. Alors pour l'instant il est 5ème Lewis Hamilton, il a gagné 2 places, il est toujours derrière Kimi Raikkonen qui lui est 4ème, Sergio Perez s'est intercalé entre les deux Ferrari, Vettel 2ème et Raikkonen 4ème. Et puis Romain Grosjean qui est repassé également par la voie des stands, Louis, et qui a chaussé semble-t-il des pneus durs également. Exactement, comme Daniel Ricciardo, comme Max Verstappen et comme Fernando Alonso. Oui, la stratégie paraît limpide, hein, Patrick, là, d'après ce que l'on peut voir. Je crois que c'est l'obligation aussi qu'ils ont de monter les trains, les un train de hard, absolument, H, les rouges, une fois au moins pendant l'épreuve. Absolument, c'est Pirelli qui a donc imposé cette ponte pneumatique à tout le monde. Et là, on choisit de le faire dès le premier arrêt. On aurait pu le faire évidemment avec le deuxième et essayer d'aller jusqu'au bout, mais ça n'est pas le cas. Et on voit que le premier pilote qui a opté pour cette stratégie, Louis, alors que voilà Hülkenberg au stand maintenant. Hülkenberg. Nico Hülkenberg et Esteban Gutiérrez sont en effet dans la voie des stands. Pour Esteban Gutiérrez, ce seront des pneus durs, exactement comme son équipier Romain Grosjean. Nico Hülkenberg est lui en train de s'immobiliser au stand de Force India et je n'ai pas vu avec quelle pneumatique il était reparti. On va vérifier ça, Louis, on va vérifier ça, effectivement, c'est pas toujours évident. Hein. Hülkenberg en hard. Hülkenberg en hard. Bon, alors là, la stratégie, elle est d'une limpidité absolue. Là, je ne sais pas qui va oser faire différent. On en aura, hein. On en aura. Il y en a un, c'est Kvyat. Ah, voilà qui est intéressant. Kvyat, il est repassé au stand tout à l'heure en même temps que Verstappen et Ricciardo. Ouais. Et Kvyat, il a chaussé des softs. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, il était relativement loin, hein, lui qui était parti. Juste derrière Button. Ouais. Après cet arrêt au stand, effectivement, Patrick, Daniil Kvyat reparti en soft. Donc, voilà une stratégie différente et c'est ça qui est intéressant. Esteban Ocon, du coup, est remonté au 17e rang. Les deux pilotes français, l'un derrière l'autre, actuellement, Louis. Oui, Romain Grosjean est 16e, hein, mais lui s'est arrêté. Il est passé par la voie des stands à la différence d'Esteban Ocon. C'est pour cela qu'il a perdu quelques places. Romain Grosjean qui avait réussi plutôt un bon départ, hein, même s'il a été gêné au moment de son envol par Nico Hülkenberg. Nico Rosberg, oui, on y va. Instant pénétré dans la voie des stands, à l'instar d'ailleurs de Sébastien Vettel, qui lui également va s'arrêter pour la première fois dans ce Grand Prix. Nico Rosberg était équipé, vous le savez, on vous l'a dit, de pneumatiques soft. Il va repartir avec des durs. Et Sébastien Vettel aussi, me semble, alors que Kimi Raikkonen, son équipier, fait également son entrée dans la voie des stands. Ah oui, là c'est la grande valse, effectivement, alors que Lewis Hamilton, évidemment, par le jeu de ses arrêts au centre, se retrouve au commandement de ce Grand Prix du Japon après avoir totalement raté son départ, Patrick, et s'être retrouvé 8e sur la grille. Oui, mais c'est une position qui est artificielle puisqu'il va repasser par les stands. Il demandait d'ailleurs d'y aller pour changer de pneu et il était obligé de rester derrière Rosberg encore un tour de plus. Oui, Perez également, hein, on n'a pas eu le temps de le dire parce que là tout le monde a fait irruption dans la voie des stands aux alentours de ce 12e tour. Nico Rosberg, donc le leader, s'est arrêté. Le seul en fait à ne pas s'être arrêté parmi les leaders, c'est Lewis Hamilton qui se retrouve au commandement de ce Grand Prix. Et puis on voit Sainz, Bottas et Massa, notamment Patrick, qui eux ont des pneus durs, hein, pour Bottas et Massa. Oui, avec Verstappen qui réalise une meilleure performance personnelle en pneus durs maintenant. Donc c'est un signe que cette Red Bull Renault est assez dure sur les pneus, puisque on a vu qu'avec les pneus tendres, il n'a fallu que 10 tours pour venir à bout de ce train de pneus et qu'il s'est arrêté dans le premier. Esteban Ocon est repassé également par la voie des stands, Louis. Et il n'a pas fait tellement différemment des autres. Ouais, il a chaussé des pneus durs. Le seul qui, après son arrêt, est chaussé des pneus tendres, c'est Daniil Kvyat tout à l'heure, le russe de l'écurie Toro Rosso. Oui, on n'a pas mis tout à fait les œufs dans le même panier, semble-t-il, si on essaie de maintenir Pascal Wehrlein en piste pour le moment. En tout cas, on voit que du côté de la monte pneumatique pour laquelle on a opté, eh bien, à l'exception. Voilà, Lewis Hamilton maintenant, le leader temporaire de ce Grand Prix dans les stands, Louis. Lewis Hamilton, il était leader effectivement après l'arrêt de Nico Rosberg tout à l'heure. Lewis Hamilton qui a complètement manqué son envol, qui passe à son tour par la voie des stands et qui, comme son équipier, comme l'écrasante majorité des autres pilotes, va ressortir avec des pneus durs. Ah oui, là, pas de stratégie différente, on n'a pas pu emmener plus loin évidemment. Oh là là, il va se retrouver au milieu du paquet avec notamment les Ferrari juste derrière. Une bataille féroce là entre une Ferrari et une Force India juste derrière Lewis Hamilton. Il va falloir que les pneumatiques monte très vite en température dans le steak, Patrick. Oui, mais je regardais Rosberg qui me semble être passé par les stands avec pour monter des pneus soft, des pneus tendres. Eh ben oui, moi c'est ce que je vois aussi. Oui. Alors effectivement, c'est ce que je vois. Ça veut dire que, attends qu'on n'a pas l'image évidemment de manière très claire, on n'est pas devin, on est comme tout le monde. Oh là là, la bataille en tout cas au milieu du paquet avec la Ferrari, je crois. C'était Raikkonen qui prenait alors l'avantage sur qui ? Sur Perez, je crois, Louis. Oui, Raikkonen a pris à l'instant l'avantage sur Sergio Perez. Il est 8ème Kimi Raikkonen et il est derrière Lewis Hamilton qui a réussi donc à passer devant Kimi Raikkonen après son arrêt. Kimi Raikkonen face auquel il butait tout à l'heure lors de sa remontée. Absolument, puisque ce même Raikkonen était lui à l'attaque, si je me souviens bien, de Daniel Ricciardo. Et ça veut dire que c'est Lewis Hamilton qui va se retrouver maintenant avec Ricciardo dans son viseur, dans son collimateur on peut dire. Et puis Nico Rosberg donc au commandement de ce Grand Prix après cet arrêt. Et effectivement, on a monté des pneumatiques alors que la remontée de Lewis Hamilton se poursuit pour le moment. Je crois qu'il a accédé à la 6ème position, Louis. Il est toujours il est 6ème en effet derrière il Felipe a passé Massa Ricardo. Parce que les deux Williams qui ne se sont pas arrêtés elles ont profité de la vague d'arrêt précédente pour remonter. Donc Bottas et Williams qui étaient partis et Massa qui était parti en pneu médium sont 4ème et 5ème. Alors, et Patrick, là c'est l'ordinateur qui s'est affolé parce que c'était bien des hards pour Rosberg. Ah oui. On c'est a des modifié. Pour Rosberg. Ouais, moi aussi je savais plus où on en était parce qu'on avait bien vu, Louis, me semble-t-il, des hards, c'est ce que j'avais noté à la volée. Mais bon, l'ordinateur, évidemment, vous savez, on est comme tout le monde, je vous le dis, soit on nous le montre, soit pas, et nous annonçait des softs pour Rosberg, ce qui était évidemment très très étonnant, et on a corrigé. Comme quoi, Patrick, la vérité de l'ordi et du live timing s'appuie que sur les éléments que nous avons. Bien sûr. Les datas, c'était clair que c'était un train de pneus soft. Absolument, on n'est pas devin, là aussi, on est comme tout le monde. Alors ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Valtteri Bottas, avec ses pneumatiques médium depuis le début, et Felipe Massa avec les médiums, Patrick, eh bien, se retrouvent évidemment en des positions flatteuses, mais ça ne devrait pas durer. Non, ça ne devrait pas durer, ils ont 15 tours, ces pneus. Bottas a beau attaquer comme un forcené, mais il n'est pas encore passé au stand, ils sont tous passés, hormis lui. Et son coéquipier Massa. Allez, Vettel réalise d'excellents temps actuellement. Le pilote Ferrari qui est troisième de ce Grand Prix du Japon, alors que la bataille fait rage au milieu du paquet, notamment précisément du côté de Bottas et Massa. Je crois que là, c'est Massa qui a été attaqué par Raikkonen. On va peut-être donner un classement, Louis, au 15e tour de ce Grand Prix du Japon après la première vague d'arrêt au stand. Nico Rosberg est toujours le leader de ce Grand Prix du Japon avec 2 secondes et demie d'avance sur Max Verstappen. Sébastien Vettel est lui 3ème à 6 secondes de Rosberg et à 3 secondes et demie de Max Verstappen. C'est Lewis Hamilton qui, après avoir doublé de Williams, se retrouve désormais en 4ème position. Mais il est loin, Lewis Hamilton, à près de 20 secondes de la tête de course, emmené donc par Nico Rosberg. Valtteri Bottas est lui 5ème, Daniel Ricciardo 6ème, Felipe Massa 7ème, Kimi Raikkonen 8ème, Sergio Perez 9ème, Nico Hülkenberg 10ème, Romain Grosjean et 14ème, Esteban Ocon est toujours, c'est important, devant son équipier Pascal Wehrlein. Il est 21ème. Et oui, la bataille évidemment au sein de cette équipe Manor. Vous savez qu'elle est importante pour la suite de la carrière des deux jeunes pilotes, des deux jeunes flèches d'argent. Évidemment, je vais la faire celle-là, Patrick, puisque on sait que les deux hommes sont dans le giron de Mercedes, même si on se doute de plus en plus qu'Esteban Ocon, Patrick, ne devrait pas tarder à recevoir la confirmation. Pour ce qui concerne Renault, évidemment, on attend ça avant la fin du mois d'octobre. Bah, tu peux attendre, parce que je l'ai vu écouter ce matin. L'homme fort maintenant de l'équipe Renault, il parlait de différentes options et à un moment donné il en a lâché une qui me fait penser que peut-être il y aurait de la Russie aussi dans le je vois. Voilà. Du côté de Daniel Viat, peut-être. Ce qui n'exclut pas, a priori, Esteban Ocon. Ça pourrait être un duo et un duel. Oui, oui. Il peut y avoir un Français avec un Russe, un Anglais avec un Russe. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un Russe quelque part. Alors, on va effectivement attendre les nouvelles de ce côté-là. La bataille, en tout cas, en piste fait rage. Et ce qu'on constate, Louis, c'est que l'écart entre Rosberg, le leader de ce Grand Prix depuis le départ, à l'exception de son arrêt au stand, naturellement, eh bien, est limité. Moins de 2 secondes et demie entre Rosberg, le leader, et Verstappen, le deuxième de ce Grand Prix. Il se plaignait, Max Verstappen, d'un problème de grippe avant son arrêt au stand. Cela va mieux. Il avait marqué le pas après un très bon début de Grand Prix. Il a amélioré à l'instant sur son tour précédent. 1:37.333. C'est un petit peu mieux, un petit dixième de mieux que Nico Rosberg, qui est toujours le leader. La bataille, elle fait rage pour la 8ème place en ce moment, où Sergio Perez est à la chasse derrière Felipe Massa. Il va tenter de le dépasser dans le grand premier virage. Il y parvient par l'extérieur, Sergio Perez, pardon, pour passer donc devant Felipe Massa et s'emparer provisoirement de la 8ème place. Eh oui, il mène un très beau Grand Prix là aussi, Sergio Pérez avec sa Force India. Il est devant son équipier Nico Hülkenberg. Et évidemment, il est handicapé par le train de pneumatique qu'il avait avec lui, hein, puisque Felipe Massa, on le rappelle, et Valtteri Bottas, qui est 6ème, sont équipés, Patrick, des pneumatiques médium. On va voir jusqu'où ils peuvent les emmener. La logique, c'est aux alentours du 20ème tour. Oui, on s'approche de la fin de leur vie. Oui. En ce qui concerne Pérez, on sait aussi qu'il est très motivé en ce moment parce que le Grand Prix du Mexique approche. Absolument, Patrick, c'est vrai. Après le Grand Prix d'Austin, qui sera le prochain sur la liste d'ici deux semaines, eh bien, il y aura le Grand Prix du Mexique. On a beaucoup parlé, on vous le disait, de Sergio Pérez, précisément pour cette équipe Renault également. Mais là, on sait qu'il a repoussé cette proposition. Il va rester au sein de Force India. Alors, je regarde l'écart, même si c'est en vert, pour Verstappen et pour Hamilton. Hamilton, il a encore du chemin à faire, lui, pour pouvoir revenir dans les roues de la Ferrari de Vettel devant lui. Il y a un gros boulot pour Lewis Hamilton. Ouais. Au dernier intermédiaire, il était à plus de 13 secondes de Sébastien Vettel. Lewis Hamilton, qui, on le rappelle, a signé un très très mauvais départ. Il est resté scotché sur sa position sur la grille. Il a été dépassé par les deux Red Bull, par les deux Ferrari et par Sergio Pérez en un clin d'œil. Il a eu beaucoup de mal à remonter, Lewis Hamilton, longtemps bloqué derrière Nico Hülkenberg avant de pouvoir le dépasser, longtemps bloqué ensuite derrière Kimi Raikkonen avant son arrêt qui lui a permis de ressortir devant le Finlandais. Il y en a un qui est sorti de la piste, c'est Pascal Wehrlein qui a fait un écart. Il est donc toujours en dernière position et il a perdu du temps, évidemment, derrière Esteban Ocon, alors qu'au milieu du paquet la bataille fait rage parce que Bottas, Raikkonen, Pérez et même Felipe Massa se tiennent en très peu de temps, en moins de 3 secondes. Et oui, c'est vrai que là c'est le ventre dur, hein. J'ai l'habitude d'utiliser cette expression. C'est pas le ventre mou du tout en Formule 1, il n'y a pas de ventre mou, avec effectivement, comme tu le disais Louis, Valtteri Bottas et Felipe Massa qui essaient d'emmener les pneus le plus loin possible. Patrick, on soulignera la jolie performance à nouveau de Julian Palmer qui est 11ème aux portes des points, lui aussi avec des pneumatiques médium. Oui, et un bon choix de pneumatique au moment du départ pour Palmer, on l'avait signalé. Il s'agit maintenant dans cette portion de course d'être le plus constant possible, de bien gérer les pneumatiques, c'est toujours la même problématique, et de faire tomber les tours les uns après les autres sur le train de pneus qui a été choisi. Eh oui, c'est pas évident, évidemment, de pouvoir exploiter cette monte pneumatique différente, notamment au début de Grand Prix, parce que bien sûr la voiture est chargée en carburant et puis souvent, eh bien, on est obligé de... Un petit peu de Max Verstappen. De survirage, si j'ai bien compris, hein, Patrick, pour... Oui, un peu de sous-virage d'abord et un peu d'oversire ensuite, un peu de survirage après. Il a un petit problème d'équilibre apparemment. Il doit faire travailler son train avant différemment en fonction de certains virages. Peut-être qu'il surconduit un petit peu encore Verstappen. Il n'a peut-être pas encore l'équilibre de sa monoplace en main. Il est différent cet équilibre en fonction des virages. Et il faut qu'il arrive à s'adapter à ces changements. Et il doit bouillir, le Mexicain Sergio Pérez, dans le sillage avec sa Force India de la Williams Mercedes. Et je crois qu'il est passé par l'extérieur, Louis, ça y est. Un magnifique dépassement de Sergio Pérez dans la ligne droite des stands, aidé par le DRS. Il s'est placé à l'aspiration de Valtteri Bottas pour se décaler au bon moment. Il est 7ème désormais, Sergio Pérez. Très très belle attaque à l'extérieur, c'est pas évident, hein, Patrick, dans ce grand droite là, on va dire qu'il faut un gros cœur. Oui, Bottas était au milieu, il lui a laissé la place sur l'extérieur, il y avait une différence de vitesse avec le DRS très nette. Donc il a pu passer sans problème. Et puis on repeint les lignes en vert du côté de Daniel Ricciardo, actuellement 5ème de ce Grand Prix, à 5 secondes de Lewis Hamilton. Et puis Kimi Raikkonen qui est derrière lui environ à 2 secondes au 6ème rang avec l'autre Ferrari. En tout cas, on observe que du côté de Verstappen et de Vettel, eh bien, l'écart semble constant. On tourne dans les 1.37 pour le moment, Louis. 1.37.467 pour Verstappen au dernier tour, 1.37.199 pour Sébastien Vettel qui désormais est un petit peu moins de 3 secondes du Néerlandais. Alors on va observer là évidemment Rosberg qui nous démontre que le potentiel de la Mercedes Il tire un peu trop. Ah, il y va, Patrick. Il y va un peu trop. Ouais, il fait le forcing. Ouais, il y va un peu trop, je sais pas. Si c'est son tableau de marche, mais là il est en train de forcer un petit peu. J'espère que son moteur va tenir jusqu'au bout. Ah, tu nous mets la pression là, effectivement. Ah ben, je sais pas. Oui, non mais tu as raison. Ça fait partie des doutes. Oui, ça fait partie des doutes. 1.36.753, c'est le temps réalisé par le leader, Nico Rosberg, leader depuis le départ de ce Grand Prix, faut-il le rappeler, puisque son équipier Lewis Hamilton s'est totalement raté sur la grille de départ. Il a perdu 7 places, il s'est retrouvé 9ème rang même, et il est en train de remonter quand même, Louis, même si l'écart avec l'homme de tête reste important pour le moment. petit à petit. Lewis Hamilton revient, il est désormais quatrième à 20 secondes hein, tout de même de Nico Rosberg. Jenson Button dans la voie des stands. Jenson Button qui était parti avec des pneus durs. Radio de Danny Viad, visiblement agacé et atteint d'un problème de batterie, si l'on en croit le message de son ingénieur. Jenson Button, passé par la voie des stands, vous disais-je, il était parti avec des pneus durs, lui pénalisé de 35 places, parti dernier pour un changement de moteur entre la qualification et la course. Il ressort avec des pneus soft. Jenson Button, vainqueur ici à Suzuka en 2011. Mais oui, Jenson Button, le pilote britannique dont on sait qu'il va mettre sa carrière quelque part entre parenthèses. Nous vivons ce Grand Prix du Japon à Suzuka. 20 tours ont été couverts maintenant sur les 53 à parcourir. Nico Rosberg est toujours leader depuis... Oh là là ! Un tête à queue du nœud ! Ah, je crois que c'est Gutiérrez, Louis ! Gutiérrez à la chicane ! Gutiérrez parti en tête à queue absolument sur la chicane qui est la dernière difficulté du troisième secteur avant de revenir sur la ligne droite des stands, drapeaux jaunes agités. Il a pu repartir quand même Esteban Gutiérrez, plus de peur que de mal, le Grand Prix va se poursuivre pour lui. Ah, cette chicane, il s'en est passé des belles, hein, vous l'a rappelé tout à l'heure. Allez, Nico Rosberg, je vous le disais, leader de ce Grand Prix avec la Mercedes, il a près de 4 secondes d'avance maintenant sur Max Verstappen et sa Red Bull Renault. Sébastien Vettel est troisième avec la Ferrari devant Lewis Hamilton, auteur déjà d'une belle remontée, mais il est pas encore sur le podium. Lewis Hamilton 4e, Ricardo 5e, Raikkonen 6e, Perez 7e, Hülkenberg, Bottas et Massa. Romain Grosjean est actuellement 12e de ce Grand Prix. Vous restez avec nous, rien n'est joué, on n'a même pas atteint le cap de la mi-course de ce Grand Prix à Suzuka. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Retrouve RMC sur rmc.fr. RMC Football. Demain, l'équipe de France se déplace aux Pays-Bas en match qualificatif à la Coupe du Monde 2018. Début de l'échauffement dès 18h avec Christophe Dugarry et toute la Dream Team Foot d'RMC. 20h45, coup d'envoi du match Pays-Bas-France et débriefing dans l'after jusqu'à minuit. Pays-Bas-France en direct d'Amsterdam, c'est demain sur RMC, la radio pas comme les autres. RMC ? RMC, c'est dans votre voiture, dans votre salle de bain, au travail, dans votre chambre. Mais RMC, c'est aussi dans votre poche. Eh oui, dans votre poche. RMC s'écoute aussi sur votre smartphone. Téléchargez l'appli RMC. Téléphone, smartphone, tablette. RMC, partout, tout le temps. Dimanche 13 novembre, entrez dans la légende du marathon des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes avec RMC. Le plus grand marathon de France après Paris. Un parcours unique au bord de mer et trois formules pour tous les niveaux. Informations et inscriptions sur www.marathon06.com. Le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, dimanche 13 novembre avec RMC. RMC présente la 8e édition des trophées PME Bougeons-nous. Près de 900 PME concourent pour remporter 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Le palmarès national des trophées PME Bougeons-nous sera dévoilé le 18 octobre à Paris. Ensemble, bougeons-nous. Faites progresser votre entreprise avec l'APM, partenaire des trophées PME Bougeons-nous sur RMC. RMC Running. Samedi, les RMC Running Sessions sont à Lyon avec New Balance. Initiez-vous à la pratique du running avec la championne du monde du 4x100 mètres, Muriel Urtis. Inscription sur la page Facebook RMC Running. Initiez-vous au running à l'occasion des RMC Running Sessions avec New Balance. Dès demain, dans le Super Moscato Show de 16h à 18h, RMC vous offre vos vacances en famille. Montagne, farniente, soleil ou plage, 58 destinations. C'est vous qui choisissez. Vos vacances en famille, ça se gagne uniquement sur RMC. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi plus près du SMS. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture, soutenu par EasyPack à partir de 189 euros par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant, voire Renault.fr. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu ? vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois. Et 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. 35 ans, ça se fête. Découvrez nos offres et notre nouvelle véranda élite sur akenaveranda.com. Akena, la reine des vérandas. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions ? Oui, Catherine ? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle ? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple ? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedieric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. RMC Grand Prix du Japon, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amard. 23 tours ont été couverts dans ce Grand Prix du Japon. Vous avez raison d'être avec nous sur RMC, la radio de la Formule 1. Et pour le moment, on peut dire que le poleman Nico Rosberg maintient un avantage. Certes, pas énorme, Patrick, pour le moment. Mais on a la situation bien en main, semble-t-il, du côté de la Mercedes au commandement de ce Grand Prix. Oui, il gère bien sa course avec sur son suivant Verstappen qui semble avoir quelques petits soucis. Je ne sais pas de quel ordre parce qu'on était en break pub. Mais Verstappen parle beaucoup là. En ce moment, il est en discussion avec son ingénieur de forte manière, près de 4 secondes. Oui, il se plaint, semble-t-il, de l'équilibre de sa monoplace. Oui. Il ne parvient pas, pour le moment, Louis, à repousser vraiment Sébastien Vettel derrière. C'est un coup à toi, un coup à moi, entre la Red Bull Renault en deuxième position du jeune Hollandais et puis la Ferrari du quadruple champion du monde qui, évidemment, à minima, aimerait terminer sur le podium ici à Suzuka. Un problème sur l'arrière de sa voiture. Voilà de quoi s'est plaint Max Verstappen à l'instant à son ingénieur dans la radio. Et on le voit dans les temps parce que il est allé certes moins vite que Nico Rosberg sur le dernier tour, mais également moins vite que Sébastien Vettel dans le premier secteur, un dixième moins vite. Exactement. Daniil Gyat est repassé par la voie des stands et oui. Daniil Gyat qui avait fait le choix de rechausser des softs après être parti en soft va maintenant passer au dur, la montée pneumatique obligatoire pour les pilotes c'est aujourd'hui. Et oui, il va essayer de les emmener au bout évidemment ces pneumatiques hard, les pneumatiques les plus dures. Il aura 30 tours à parcourir. Ça devrait être jouable hein, Patrick, d'après les simulations qu'on avait vues dans les séances d'essais libres. Oui, on est en train de tout. Les pilotes, les 6 premiers pilotes à tourner sous la barre des 38, en 37 quelque chose. Ouais. Donc c'est dire qu'ils sont en train de, avec le train de pneus qu'ils ont, avoir à peu près l'équivalence de performance. Donc ils sont figés un peu dans leur positionnement et ils cochent les tours les uns après les autres, les faisant progresser avant de repartir avec à l'assaut, sur l'assaut final avec un train de pneus qui sera un peu plus performant. Alors on rappelle que les 8 premiers pilotes hein, de ce classement du Grand Prix du Japon, 24 tours couverts maintenant sur les 53, c'est-à-dire Rosberg, Verstappen, Vettel, Hamilton remonté au 4e rang, Ricardo et Massa dans les stands maintenant, Louis peut-être pour le seul arrêt de la course pour lui. Oui, il était parti en pneu médium Felipe Massa et il les a emmenés au bout hein. 24 tours couverts avec ses pneumatiques médium et Felipe Massa va repartir avec les durs. La stratégie est claire, voilà. Un seul arrêt pour Massa et aller au bout avec les durs. Et on va faire pareil certainement pour Bottas hein, dans quelques temps. Valtteri Bottas qui figure dans le top 10 puisqu'il est 9e de ce Grand Prix. Je vous disais que les 8 premiers sont équipés de pneumatiques hard et les écarts, eh bien le plus proche par exemple c'est Raikkonen sur Ricciardo. Patrick, on se bat pour la 5e place et voilà maintenant Raikkonen dans la bulle en mesure d'utiliser le DRS. Oui, il est à 9 dixième Raikko, il peut y aller, il va tenter de le faire certainement au bout de la ligne droite des stands pour venir à bout de Ricciardo qui doit souffrir un petit peu comme Verstappen de l'équilibre de sa monoplace. Certainement Patrick, effectivement l'équilibre des Red Bull Renault qui est un petit peu aléatoire en course en tout cas. Et puis derrière sur les pneus durs. Oui, sur les pneus durs il y a un joli paquet, évidemment c'est un peu loin avec notamment Nasser et Alonso lui qui fait ce qu'il peut et il représente Honda, faut-il le rappeler, sur le tracé de Honda. C'est un peu dur hein, pour McLaren Honda pour le moment avec Alonso 15e et Button seulement 19e. Oui, on a pu observer. Il est coincé. Massa has done a 24 lap stint on medium with relatively low deg. Radio de Max Verstappen qui l'ont dit que Felipe Massa a donc couvert 24 tours en médium avec une dégradation assez relative, donc peut-être un changement de stratégie à prévoir pour Max Verstappen. On parlait de Fernando Alonso coincé entre les deux Sauber. Il vient à l'instant de dépasser Felipe Nasser pour s'emparer de la 14e place, Fernando Alonso. Et Julian Palmer au stand maintenant, peut-être également, allez savoir, un seul arrêt pour le jeune pilote britannique de Renault, Louis. C'est ce qui devrait se produire. Julian Palmer était parti en pneu médium, il repart avec des pneus durs. Et voilà. Kevin Magnussen également entre dans la voie des stands. Kevin Magnussen et Felipe Nasser aussi. Kevin Magnussen, lui, il était parti avec des pneus durs directement. Et il va repartir en médium, je crois, Kevin Magnussen. Et c'est le cas de Nasser également, qui était parti aussi en dur. On voit, Patrick, on a fait 25 tours, oulala, alors qu'on a allumé justement les pneumatiques au freinage du Spoon, hein, si je ne m'abuse, pour l'une des deux. Nasser. Oh. Ah oui, Spotted, t'as raison. Et il doit y avoir un plat, là. Il va conduire un bulldozer, là, notre ami. Hein. C'est évident qu'avec un blocage de roues comme ça, ah, lui, là, a priori, il a un peu massacré son train avant. Là, il a fait très mal à sa monoplace, là, Felipe Nasser sur ce coup-là. Ouais. Là, ça va pas être facile. Il va falloir. C'est surtout son boîtier. Son dentier, pardon. Raikkonen au stand, messieurs. Ça, c'est important. C'est important. On y va, Louis, avec toi. Il était sixième avant son arrêt. Kimi Raikkonen, c'est son deuxième arrêt. Il avait monté au 12e tour de ce Grand Prix les pneus durs. Il va repartir avec un nouveau train de pneus durs, Kimi Raikkonen. Ah, ben voilà, Raikko qui s'était évidemment élancé avec les pneumatiques soft, hein, ça vous vous en doutez, puisqu'il était qualifié, on le rappelle, qualifié pas mal du tout sur la grille, mais il s'était pris des pénalités, il était troisième, 5 places de pénalité pour le changement, la radio va l'envoyer. Fernando Alonso. Ah, j'adore ça. Fernando Alonso et son sens de l'humour légendaire. Ouais, attaque maintenant, lui dit-on. J'aimerais bien, répond-il, mais avec quel pneu, s'il te plaît? Et il sait qu'il y a tout le staff Honda qui est à l'écoute, et donc il y met un petit peu d'humour. Oui, et puis on rappelle que l'an dernier, il s'était fendu d'un commentaire terrible, hein, ici à Suzuka, sur le tracé de Honda à propos de son moteur, en traitant son moteur Honda de moteur de GP2. Ah, ça avait fait du bruit là, hein, Patrick, ça avait eu un retentissement énorme du côté du pays du soleil levant. Oui, mais on a fait de gros progrès depuis, et je crois que là, il n'a pas trop à se plaindre de son moteur. Donc même s'il pense qu'il est un petit peu sous motorisé, oui. On fait de gros progrès chez Honda. Je crois qu'il le pense quand même, franchement, parce qu'il est aux portes des points seulement. Alonso qui est pour le moment dixième, et voilà Raikkonen. Oh là là, alors qu'on s'est expédié à l'intérieur, c'est Kvyat qui nous a tendu le gazon également, Louis. Exactement, c'est Carlos Sainz, qui est parti à l'extérieur, et c'était justement sur une attaque de celui qu'il appelle son idole, hein, Fernando Alonso, qui en a profité pour prendre la dernière place dans le gang de ceux qui auraient des points si le Grand Prix s'arrêtait maintenant. Il est actuellement dixième, Fernando Alonso, 8 secondes derrière Romain Grosjean. Valtteri Bottas est repassé il y a quelques instants par la voie des stands. Il a fait le même choix que son équipier Felipe Massa, une stratégie visiblement destinée à n'effectuer qu'un seul arrêt. Il est reparti avec des durs, Valtteri Bottas. On rappelle que les deux Williams Mercedes s'étaient lancés des 11e et 12e rangs avec des pneumatiques médium pour un seul arrêt a priori dans le cadre de ce Grand Prix. I know. I think they've been given it. Well, they will be given the instruction. So hopefully you get through both of them in one hit. Il a du mal, Max Verstappen. Ouais, c'est encore plein d'un problème sur sa monoplace. Fernando Alonso dans la voie des stands. Fernando Alonso à nouveau. Qui repart avec des pour Alonso. Ah oui, parce que Raikkonen vient de réaliser de très très bonnes partielles sur son train de pneus durs qui n'avait que deux tours. Donc il est en train de bien indiquer à tous les autres qu'il faut probablement repartir avec des pneus médiums. Oui, mais alors là, c'est assez curieux pour Alonso. Il était parti en soft, hein, on est bien d'accord. Il s'est arrêté au 9e tour pour monter les durs, et là il a fait seulement 18 tours, je crois, c'est ça. 18 tours avec le train de dur. Bon, ben on verra bien. En tout cas, Fernando Alonso. C'est peu. Ouais, c'est pas beaucoup, Patrick. Hein, c'est ça que je voulais dire. Et c'est pareil pour Verstappen. Hein. C'est pareil pour Verstappen qui s'est arrêté au même moment que Fernando Alonso tout à l'heure et qui repasse à l'instant par la voie des stands pour faire le même choix que Fernando Alonso, repartir avec des durs. D'accord. Romain Grosjean, 9e. Et oui, c'est pas mal pour Romain. C'est même très bien. Romain qui était parti, on le rappelle, 7e. Les traces de pneus qui se dégradent. C'est la Hülkenberg maintenant, les stands. Ça y est, c'est la deuxième vague d'arrêt. Là, on y va de tous les côtés. Nico Hülkenberg au stand, il s'est arrêté au 11e tour, Louis. Et il s'était arrêté pour monter des pneus durs, Nico Hülkenberg. Ouais. Il va repartir avec un train de pneus médium. Alors, ça c'est intéressant. Au moins, il y a un choix de pneus un petit peu différent pour la Force India de Nico Hülkenberg. On voit bien que beaucoup, notamment Raikkonen, là, a remonté les pneus durs. Et Patrick, ça marche plutôt bien, hein, parce que c'est lui qui vient d'établir. Je l'avais dit qu'il faisait des meilleurs partiels. Ah ouais, c'est lui qui vient d'établir. 36,084, c'est le meilleur temps en course. Voilà, voilà, nouveau record du tour en course pour Raikkonen, qui est actuellement 7e et qui va essayer de ramarrer. Et Gutiérrez dans les stands maintenant, Louis. Esteban Gutiérrez, le Mexicain de l'écurie As, le copilote, le coéquipier, merci beaucoup, de Romain Grosjean, qui va repartir avec des pneus durs, Gutiérrez. Un copilote, je suis pas certain qu'ils s'entendent bien. Non, je suis pas sûr, je suis pas sûr, non. Je les vois pas partir en vacances ensemble, ces deux-là non plus. Allez, dans la... En tout cas, lui donner le volant. Rosberg dans les stands, ressemble-t-il Rosberg maintenant, Louis? Nico Rosberg, je crois que c'est un ralenti que tu as vu. Il vient de sortir. On ne l'avait pas vu rentrer. Il vient de sortir à l'instant de la voie des stands. Nico Rosberg avec un nouveau train de pneus durs. Autant pour moi. Oui. Nico Rosberg, le leader qui a choisi de repasser par la voie des stands. Nico Rosberg, il s'est arrêté au 12e tour avec un train de pneus durs qu'il avait remonté. Patrick, il aura fait 17 tours exactement avec ce train. Oui, et on doit pouvoir penser que maintenant il serait en mesure d'aller au bout avec le train qu'il vient de monter. Sergio Pérez au stand. Ah ben ça n'arrête pas. Sergio Pérez qui s'est arrêté lui aussi au 12e tour, Louis. Et qui repart comme Nico Hülkenberg, son équipier tout à l'heure, avec des pneus médiums. Alors, ça on aime bien. On aime bien parce que c'est un petit peu différent, effectivement. On va voir ce que ça donne dans la fin de ce Grand Prix, en sachant que des deux côtés, eh bien, on a utilisé le train de pneus dur obligatoire. Vous savez que Pirelli a imposé l'utilisation de ce train de pneumatique les plus durs. Eh bien, c'est fait pour les deux hommes de chez Force India. Et c'était du 11e tour au 28e tour pour ce qui concerne Hülkenberg. Et du 12e au 29e, on a fait exactement le même nombre de tours pour les deux hommes. Et Raikkonen, Patrick, qui continue effectivement sur un rythme soutenu, hein, qui va... Oh, il a quand même du chemin à faire. Qu'est-ce qu'il a, Sébastien Vettel? Il s'en prend à Pascal Wehrlein, hein, qui lui a bloqué la route devant lui, et il a fait un geste de la main assez évocateur, je n'ai pas besoin de vous le décrire, pour demander à Wehrlein de lui laisser le champ libre. Eh oui, Sébastien Vettel, effectivement, qui fait un peu il devient grincheux un petit peu, Sébastien Vettel. Hein. Oui, mais pour le moment, il est en tête de ce Grand Prix. Pourquoi ? Parce que naturellement, Nico Rosberg s'est arrêté. Donc Sébastien Vettel est en tête de ce Grand Prix à la suite de l'arrêt également de Verstappen. Alors, est-ce que Vettel va être en mesure effectivement de forcer le rythme ? Pas évident sur le dernier tour. Hein. Il a peut-être perdu du temps à cause précisément de Wehrlein, Louis. Une seconde. Oui, c'est ça, hein. 1:38,334, c'est trop de temps perdu pour n'être dû qu'à son pilotage ou à la dégradation de ses pneus. Wehrlein lui bloquait la route et il s'est fait sévèrement reprendre de voler par Vettel dans sa radio, vous l'avez entendu. Il l'a tancé vertement, même s'il est dans une monoplace toute rouge. En tout cas, c'était un compatriote. Oui, je sais pas s'il lui a dit quelque chose en allemand, mais en attendant, on aura vu une Ferrari au commandement de ce Grand Prix du Japon, Patrick. Oui. C'est temps. What you want to know, Suzuka is a weak track, it's difficult to pass, you lose behind another car, I mean, it's ridiculous. Et il en remet une couche. Sébastien. Grosjean au stand. Grosjean est repassé par la voie des stands. Il était équipé de pneus durs. Romain Grosjean, il repart également avec des pneus durs. Il faut pas lui donner le micro à Vettel, hein, parce que quand il l'a, il le lâche plus. Ah, t'as raison. Il nous raconte sa vie. Là, il nous a repeint le Wehrlein. Je pense que il va y avoir quelques explications dans leur langue. Il s'est fait traiter d'idiot par Verstappen dernièrement, donc. Ouais. Il faut aussi qu'il fasse preuve d'autorité, le champion du monde allemand. 4 fois quand même. Eh oui, messieurs, Ocon actuellement 16e de ce Grand Prix. Eh oui, Esteban Ocon 16e de ce Grand Prix après un seul arrêt. Il est à 2 secondes 8 de Gviat. Hein. C'est plutôt très bien le Grand Prix que mène le pilote français pour le moment, Patrick. Oui. Non, Esteban Ocon 16e, ça te plaît pas? Oui, très bien. Bon, qu'est-ce que je te dis? Esteban Ocon, il avait plutôt un problème en qualification, disait-il, depuis qu'il a été titularisé en Formule 1. Mais ses courses étaient plutôt convaincantes, hein, exception faite de petites erreurs, notamment en Malaisie pour des excès de vitesse dans la voie des stands la semaine dernière. Mais s'il arrive à régler, et ça semble être le cas, son problème en qualification, il peut espérer réaliser de bonnes courses parce que c'est un domaine dans lequel il est plutôt performant. D'ailleurs, Esteban Ocon nous a livré hier une explication intéressante sur son regain de forme. Il a dit qu'il avait eu un précieux conseil de quelqu'un de chez Mercedes qui lui avait dit en Formule 1, on gagne plus de temps à travailler sur sa voiture que sur son pilotage. C'est ce qu'il a fait depuis les deux derniers Grands Prix. Il a beaucoup travaillé sur les réglages de sa monoplace et ça semble porter ses fruits. Il a utilisé le mot de déclic, Esteban Ocon. Allez, 31 tours ont été couverts dans ce Grand Prix du Japon. À Suzuka, on a passé naturellement le cap de la mi-course. Il y aura 53 tours à parcourir. Le classement et les écarts dans ce Grand Prix de Suzuka, Louis. Et la tête de course est toute rouge, Sébastien Vettel sur Ferrari est le leader de ce Grand Prix du Japon. Il est devant Lewis Hamilton, deuxième provisoire à 4 secondes de l'Allemand. Nico Rosberg est lui en troisième position à 3 secondes de Lewis Hamilton. Max Verstappen est quatrième devant son équipier Daniel Ricciardo. Kimi Raikkonen sur la deuxième des Ferrari est sixième. Les deux Force India suivent. Sergio Perez septième, Nico Hülkenberg huitième, Felipe Massa neuvième, Valtteri Bottas dixième, Romain Grosjean est onzième et Esteban Ocon. Et dans la voie des stands, à l'instant, Esteban Ocon, pour son deuxième arrêt, il était en pneu dur, Esteban Ocon, après les avoir chaussés au 13e tour, et il repart avec un nouveau train de pneus durs. Et voilà pour l'arrêt du pilote français. Et puis on vous rappelle évidemment que Vettel et Hamilton, pour le moment, premier et deuxième de ce Grand Prix, Ricardo Sand. Ah, alors on y va, on attend, on y va avec toi, Louis. Cinquième pour l'instant Daniel Ricciardo avant son arrêt. Il était équipé de pneus durs comme la majorité des pilotes de tête. Et c'est un arrêt qui dure beaucoup de temps, hein, pour Daniel Ricciardo. Il y a eu un petit souci sur la roue avant droite visiblement. Il repart avec des pneus durs. Alors la stratégie évidemment à peu près similaire à celle des autres pour le moment. C'est important parce que Daniel Ricciardo est un potentiel accesseur, j'allais dire, au podium de ce Grand Prix final. Mais là les secondes perdues vont être difficiles à rattraper. On vous rappelle que donc Vettel et Hamilton ne sont pas repassés pour la deuxième fois par la voie des stands. Vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1, vous restez avec nous. RMC Grand Prix du Japon. Lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre à son grand dam dut consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store! Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, on prend les paris. Au Canada, les box de stockage laissées à l'abandon sont mises aux enchères. Mais la vente se fait à l'aveugle. Qui remportera le gros lot? Storage Wars, adjugé vendu? C'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction. Canal 24. Si après 3 heures d'embouteillage, dans votre tête ça fait... C'est que vous conduisez le nouveau Citroën C4 Picasso à partir de 235 euros par mois sans condition avec le pack Smile & Go. Entretien garanti et assistance inclus. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 3 300 euros. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur carstore.citroën.fr. RMC Grand Prix du Japon, Jean Lecroix, Patrick Tambay, Louis Amar. Ce Grand Prix du Japon dont 33 tours ont été couverts pour le moment. Et voilà, il est 8h, vous êtes sur RMC, la radio de la Formule 1. 33 tours sur les 53 à parcourir, c'est dire qu'il en reste 20. Et l'homme le plus rapide en piste pour le moment, Louis, c'est Kimi Raikkonen. Qui enchaîne les records du tour depuis tout à l'heure. 1:35.990, c'est le dernier en date pour Iceman Kimi Raikkonen, qui est cinquième de ce Grand Prix à 2 secondes 3 de Lewis Hamilton, qui s'est arrêté il y a quelques instants pour repasser par la voie des stands et rechausser un train de pneumatique dur à l'image de son équipier Nico Rosberg, le toujours leader de ce Grand Prix du Japon. Et oui, alors que Sébastien Vettel, et le voilà maintenant dans la voie des stands, oui, justement à l'instant, le pilote Ferrari qui était leader pour quelques tours. Exactement. Et du coup, Nico Rosberg est désormais le leader de ce Grand Prix du Japon parce que Sébastien Vettel repasse par la voie des stands. Il était en pneu dur, Sébastien Vettel, et ça met un petit peu de temps. Et il repart avec des softs, stratégie agressive de la Scuderia. Ah ben voilà qui est intéressant. Enfin, on varie un petit peu les stratégies, Patrick, évidemment. On va voir si Vettel est en mesure de conserver au moins une position sur le podium. Quelle stratégie à haut risque, parce que il est possible que ça ne dure pas très très très longtemps, mais là maintenant les écarts sont importants, donc peut-être qu'il aura une fenêtre de passage au stand qui lui permettrait de reprendre sa place. Absolument, une stratégie a priori décalée, puisque Kimi Raikkonen est équipé de pneumatiques durs qu'il a chaussé au 26e tour, c'est-à-dire qu'effectivement il a 27 tours à parcourir normalement avec ce train de pneumatiques si on ne choisit de l'arrêter que deux fois. En tout cas, ça fait plaisir de voir enfin des gens qui osent quelque chose, hein, Patrick, parce que sinon c'était un petit peu monotone là, tout le monde en pneumatique hard. Ah oui, mais c'était le dessin de ce Grand Prix, hein, c'était la stratégie qui primait, et donc pour aller au bout de la meilleure des manières, il fallait utiliser ses pneus et de cette façon. Ricardo d'ailleurs est en train d'en faire la démonstration, il tourne en 35,5, on va dire 35,6, et c'est le meilleur temps actuel. Et là ensuite, ben c'est un peu chacun son niveau de performance. 37,2 pour Rosberg. 37,2, c'est bon ça comme température. 36,7, on peut faire. Surtout le matin. Surtout le matin. Alors, Lewis Hamilton qui repeint en fuchsia le premier secteur. Lewis Hamilton qui s'est arrêté deux fois et qui est virtuellement sur le podium. Je dis bien virtuellement pour le moment, Louis. Oui, mais il est sous la menace directe de Sébastien Vettel, qui est pour l'instant quatrième avec son train de pneumatique soft, qui est à 6 dixièmes et qui va